Yo les gars, on va passer le podcast sur la chaîne YouTube principale. Donc moi, je vous me fassiez une belle tête de YouTubeur à 3, 2, 1. Parfait, là, je pense qu'on va avoir plein de succès avec ça. On est au Salut top. Tout le monde, c'est Sei. Bienvenue à la 79e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et bienvenue pour cette nouvelle émission qu'on fait presque avec l'équipe au grand complet d'Autour d'un VR et de VR for Player avec le gentil Majo. Salut Majo. Coucou. Ça va Majo? Oui. Oui, tu as l'air bien réveillé Majo. Exactement, ça fait 20 minutes que je suis réveillé. Parfait. Et, puis, voilà. et tu viens quand même pour les auditeurs qui viennent nous écouter. Et t'as vu. Présent. J'ai pris ma plus belle voix. C'est beau, ta voix rocailleuse du lever de sieste, c'est parfait. Ensuite, nous avons El Rocco. Salut, El. Et salut. Avec sa belle voix de fausset, El. Ça va? Ça va, ça y est. Salut tout le monde. Salut. Et enfin, nous avons Laurent qui, grâce à son focus, a trouvé le chemin de l'émission. T'as pensé enfin à utiliser ton focus, Laurent? Salut, Laurent. Mais dis donc, Sei, tu crois qu'on ne devrait pas utiliser notre focus ici? Mais tu vois cette échelle? Je pense qu'on devrait prendre cette échelle. Non, pas celle-ci, celle d'à côté. Approche-toi et utilise ton focus. Ça sur la gauche du rocher. Peut-être que si je tire dessus, je pourrais la débloquer. Ce serait quand même bien d'utiliser son focus ici. Bon, on sait à quoi on a joué déjà. Alors, on a joué à Call of the Mountain en exclusivité mondiale. Voilà. Exactement. Avec les petites gouttes. Si seulement. Voilà. On remercie Sony évidemment pour les PSVR 2, donc du coup qui devait venir la semaine dernière si vous avez écouté la précédente émission. Donc effectivement, on les a reçus, on a tout ce qu'il faut, on a pu tester. Nous avons reçu un colis avec 8 lentilles. Voilà, avec 8 lentilles. On a reçu une palette, mais vu qu'on en avait besoin que de 5, j'ai jeté tout le reste. Ouais, bah normal, ouais, on va pas garder toutes ces merdes. Hein. Avec les PS5 aussi, je pense que tu les as utilisés pour caler ta bagnole, non? Ouais, voilà. C'est ça. Ok. Donc. Il y en avait 30, mais. Pour, voilà, comme j'ai dit au début de l'émission, maintenant on va passer sur la chaîne principale, la version vidéo du podcast, pour voir un petit peu ce que ça donne, comment est-ce que le public prend ces émissions-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, autour d'un VR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de podcast de VR for Player, on va parler de réalité virtuelle en général, et principalement du PSVR, parce que c'est quand même noté aussi à l'en-tête du site. Vous pouvez en retrouver sur toutes les applications de podcast, vous pouvez en retrouver du coup sur la chaîne VR4 Player de YouTube, vous pouvez en retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez surtout nous retrouver sur Discord, là on pourra discuter tous ensemble et vous pourrez découvrir la communauté VR4 Player qui est toujours super cool. Vous avez le Tipeee si vous voulez nous aider à utiliser, à racheter du matos ou racheter des bagnoles ou racheter des PSVR 2. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Y a la charte graphique qui a un tout petit peu été modifiée ces derniers jours sur le site pour pas qu'il y ait de confusion avec d'autres types de contenus. Donc voilà, soyez pas étonnés s'il y a des petits changements de temps en temps. Et ben on va commencer ensuite par les news, mon petit Laurent. Mmh. Et on va parler de films d'horreur, de jeux d'horreur et des jeux latins. Principalement, parce qu'on a eu, on a eu des petites nouvelles, et puis à ce niveau-là, c'est quasiment validé par les studios. Donc le premier, c'est Bladius Games, donc qui, eux, c'est des Argentins de Buenos Aires, qui ont annoncé le jeu Madison, qui l'ont annoncé déjà depuis pas mal de temps. Hein. Et le jeu va arriver le 24 juin 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X et PC, et je crois même sur la Switch, il me semble, mais j'en suis pas sûr. Il me semble l'avoir vu. Donc c'est édité pour les versions physiques par Purps Games. Donc c'est le jeu d'horreur dans toute sa splendeur, avec des scènes bien noires, bien sombres. On se balade dans une baraque et on va se faire bouffer par une bestiole qui est dans la baraque. Seulement, donc, ce qui nous intéressait jusqu'à présent, nous, c'était vraiment de savoir si le jeu allait être VR. On a commencé à fouiner un peu. Dans les archives, on est retombé sur une déclaration du studio le 8 décembre 2021. qui avait confirmé que, effectivement, oui, il avait bien signé un contrat avec une société de VR pour les dev kits. Donc le jeu, à cette époque-là, il avait déjà annoncé qu'il serait plus ou moins VR. Donc on avait gardé un œil dessus, sans toutefois en parler, parce qu'on avait dit on n'a pas assez d'éléments. Donc la semaine dernière, je suis retourné à la charge, hein, je leur ai demandé des nouvelles, savoir si ce qu'il y avait de neuf. Le 8 décembre, ils avaient donc annoncé ça. Aujourd'hui, quel en était le statut VR du jeu Madison? Et la réponse du studio a été donc, le 8 décembre, nous avons annoncé que nous avions signé un contrat et que nous allions travailler sur la version VR dès la sortie du jeu. Le jeu n'est pas encore sorti, donc nous n'avons pas de détails pour le moment. Donc là, tu pars, tu fais caille, tu dis putain, c'est bon. Et voilà, ils m'ont snobé, ça sortira jamais. Mais non, parce qu'on a continué à chercher. Et du coup, on s'est aperçu qu'en fait, les gens sur PSVR, ils nous aimaient pas. Parce qu'en fait, il a tout balancé le 30 mars, donc bien avant que je lui pose la question, sur Steam. Sur la partie communauté de Steam, où il y a une personne qui avait demandé, y aura-t-il une version VR à Madison? Et alors là, sur Steam, la réponse n'était pas pareille. Ça avait été, le support VR sera disponible dans le futur. C'est confirmé en majuscule, hein. Préparez-vous, parce que ce sera fou. N'oubliez pas de suivre nos médias sociaux. Et après, il rajoute... Alors, est-ce que c'est confirmé comme Visage l'a été? Ou est-ce que c'est confirmé à 100% sans faute? Et après, il finit. Cela viendra définitivement en VR. Les contrats ont déjà été signés, donc c'est 100% confirmé en VR. Donc là, on sait déjà que c'est 100% sur Steam, donc ça arrivera sur PC, c'est sûr et certain. Maintenant, la question se pose sur le PSVR 2. Et sur le PSVR 2, il y a une autre personne qui a reposé la question sur le PSVR 2. Et il a répondu, nous allons essayer de le porter sur PSVR 2 également. Avec un peu de chance, nous pourrons bientôt faire fonctionner le jeu en VR, croisant les doigts. Donc en gros, de toute façon, la version VR, on va dire qu'elle est officielle. Et donc Madison, on a écrit un article sur le site, il y a aussi le trailer. Si vous êtes fanat de trucs un petit peu morbides, bien piqués, bien crado, terreur psychologique. Celui-là, il est parce que en plus pour c'est aussi ce qui nous a fait faire l'article également, c'est que vu que le jeu sort sur PS5 et PS4, ça veut dire que le studio a déjà les dev kits PS5 et PS4, donc il est déjà en lien avec Sony, donc ça paraît naturel qu'il arrive sur PSVR2 également. C'est intéressant que tu reparles de Visage justement dans la communication, enfin dans les demandes des internautes. Est-ce que c'est comme Visage, genre ça va être c'est prévu en VR, mais en fait on voit jamais, ça arrivera jamais la queue, parce que je me demande si c'est un problème technique ou un problème d'ambition des développeurs. Ça peut être ça, c'est souvent le cas d'ailleurs quand il y a des jeux qui sont annoncés en VR et finalement ils sortent pas en VR, ou alors si c'est pas un problème aussi de censure, parce que Visage, pour l'avoir commencé, ça commence avec je crois une prise d'otage. Tu tires une balle dans la tête de tes otages et à la fin tu termines par te tirer une balle dans la tête à toi. Autant en plat, bon, c'est pas de choupi, ça. Ça grince, c'est un peu limite et c'est un peu choquant déjà en plat. Autant en VR, quand tu as la démarche de le faire toi-même et que tu ne l'as pas sur un écran plat, mais que vraiment t'es complètement immergé dans les ambiances, comme tous les jeux VR en fait, est-ce qu'au niveau de la censure, ça pose pas un autre problème supplémentaire vis-à-vis de ce genre de mise en scène? Le terme suicide sur les réseaux sociaux, déjà, il clignote en rouge, celui-là. Le terme déjà, mais moi, je te parle vraiment en termes d'expérience utilisateur. Est-ce que tu... Voilà, il y en a, ils se disent, tiens, je vais me faire un petit jeu d'horreur, là, ça va être sympa. Et puis, finalement, tu demandes dès l'intro du jeu à foutre une balle dans la tête à des otages et à te mettre une balle dans la tête à toi. Est-ce que c'est pas un peu rude dès le départ? Après, Superhot l'a déjà fait. Superhot, c'est des espèces de mannequins en low poly rouge et ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment des graphismes réalistes. Ouais, mais on s'en met une quand même dans la tête. Pour sortir la toute première scène, c'est justement prendre le flingue et faire. C'est dit, faites ce que vous devez faire ou un truc comme ça, et on doit s'en mettre une dans la tête, ce qui nous éjecte vers le monde réel. Et après, on sélectionne sa disquette et on son mode de jeu, ces trucs comme ça. Et on enfourche le casque et tac, c'est là qu'on commence le jeu. Après, ouais, c'est sûr qu'on a plus de distance parce que c'est des graphismes moins réalistes. Ah bah quand même, oui. Mais le fait de mettre une balle dans la tête à quelqu'un, on le fait déjà dans pratiquement, on va dire, 80% des jeux. Le terrorisme dans GTA, par exemple, ça n'a jamais posé de problème ou des trucs comme ça. Enfin, je pense que c'est... Oh. Bah si, justement, ça a toujours posé problème. Ça a posé problème, mais bon, enfin, je sais pas, c'est quand même l'un des jeux qui est en train de traverser trois générations de consoles, on l'a pas. Mais tu oui, parce que ça s'est tassé, mais bon. Et tu veux ce que je veux dire, c'est que là, ouais, là on parle de grosse production en VR là. Là c'est plutôt là vraiment c'est dès l'introduction graphisme ultra réaliste, des otages qui sont en train de se pisser dessus dans une pièce sombre, qui ont la tronche complètement défoncée avec avec le scotch sur la bouche et qui sont pieds et poings liés, et la première action de ton jeu en réalité virtuelle, enfin en tout cas s'il sort un jour en réalité virtuelle, c'est de leur tirer une balle dans la tête. Et mais c'est peut-être moins violent finalement que de se faire mal à soi-même parce qu'on s'y attend et on que plutôt de voir un autre personnage qui est en train de te faire du mal à toi. Mais il y a une implication quand même supplémentaire quand on joue en réalité virtuelle qui peut poser un frein à certains au développement de certains jeux, en tout cas à amener certains jeux en réalité virtuelle quoi. Ouais, c'est un PEGI 18 de toute façon. Ouais. Déjà ouais, ça à partir du moment où c'est 72. D'accord. Donc, en fait, vous pensez que il faut pas que les mauvaises personnes s'intéressent à ce genre de domaine. C'est comme tout, hein, les gens fragiles. Déjà avec GTA, ils deviennent fous. Donc. Je pense que t'es fou de base, mais. Ouais. Bah bien sûr, je suis d'accord. Enfin, je veux pas faire ma grenouille de bénitier, mais en tout cas, faut pas minimiser l'impact de certaines situations en réalité virtuelle dans certains jeux, quoi. En tout cas, je pense que pour un petit studio, prendre le risque d'amener ce genre de séquence là, si tu veux pas la censurer. Dans un jeu en réalité virtuelle, à mon avis, ça peut être un frein au développement de ton jeu en VR. Ou alors, s'ils ont lâché la VR parce qu'ils n'étaient pas maîtrisés, ou si vraiment il y a eu un problème de censure, ce serait intéressant de demander. Ouais. Ou peut-être mettre juste la cinématique en écran plat, sur un écran plat, et puis virer les interactions. Quoi, oui, voilà. Ouais. Tu casses un peu le flow du jeu, quoi. Ouais. Ça reste une intro, donc bon, après le reste du jeu, après, pas du tout dans ce délire-là, sauf peut-être par la fin, je l'ai pas encore terminé. Mais c'est plus, t'échapper d'une maison hantée où il y a des trucs bizarres qui se passent avec des fantômes un peu plus classiques. Un petit peu comme Madison, justement. Donc voilà, non, c'était une réflexion comme ça. Bon. Okay, bah après, moi, je suis plus contre la censure que. Excuse-moi, c'est. Censure que le fait de censurer pour préserver la santé mentale des gens. Je pense que les gens, une fois qu'il y a un PEGI 18, bon déjà c'est déjà un problème à l'heure actuelle parce que n'importe quel gosse peut acheter un jeu n'importe comment quoi. Les parents font pas forcément attention, mais à partir du moment où c'est 18+, tu sais où tu mets les plaies. Donc après moi personnellement, j'ai toujours joué à des jeux où c'était 18+, hein, donc les Silent Hill et trucs comme ça. Donc L'âge de 2 t'as ans. Vu le résultat. Bah ouais, on comprend mieux les choses. Donc non, genre de pratique à pas faire du coup. Voilà. Sinon, Elroco. Le résultat. Voilà. Mais après, c'est pas parce que t'as plus de 18 ans, t'as 19 ans que t'es à même psychologiquement de voir des choses qui sont pas. Si t'es un peu fragile, même à 40 ans, si t'es un peu fragile. Faut inventer un autre PEGI. J'en parle aussi parce que j'avais écouté justement des podcasts avec des journalistes qui avaient été un petit peu rebutés par cette scène-là, à raison certainement. Je me dis que jouer sur un écran plat c'est une chose, jouer en réalité virtuelle c'est pas la même chose. Tu vis le jeu quoi. Après ouais c'est on dirait qu'il y avait eu le même, il y avait eu un peu le même de ressenti avec, mais on avait déjà parlé aussi la scène de Call of Duty là où t'es dans l'aéroport et que tu dois fumer tout le monde au début du jeu avec un groupe de 5 personnes était dans l'aéroport. T'es pas obligé. Ouais. T'es amené à le faire, mais t'es pas obligé. Moi, je l'ai pas fait, par exemple. Ouais, bon, je sais pas. Première scène du jeu, c'est Call of. Majo l'a fait. Ah ouais, Majo l'a fait. Bah, c'est un jeu, quoi. je suis pas pour la censure. C'est pas réel, quoi. Je suis pas du tout pour la censure. Mais je pense dans lequel visage, plus à une auto-censure du studio qui a peut-être pas non plus envie de prendre de risques. Et voilà quoi. Pardon. Ensuite, est-ce que. Prochaine news, mon petit Lolo. Ensuite, deuxième jeu intéressant qui est dans la même logique donc de Not Open, on en a parlé la semaine dernière, Madison, il y a deux semaines. Là, Madison, et ben, le suivant, c'est le studio Wellsphere, donc c'est un studio espagnol cette fois, Un petit peu le même style de jeu que Madison que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire un jeu qui va sortir PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Steam et Nintendo Switch. C'est peut-être celui-là qui était Nintendo Switch alors. Un jeu qui se prête énormément à la VR et justement ce qui est intéressant c'est juste ce qu'on vient de dire juste avant. Parce que ce jeu il commence aussi par une scène où tu te réveilles dans une baignoire et tu as été complètement assommé, tu es plein de sang, tu es dans ta baignoire et en plus tu es enchaîné à cette baignoire avec des menottes. Et donc là il y a une espèce de débile mental, un espèce de docteur complètement psychédélique qui arrive et qui commence à te couper la jambe avec une scie à bois. Donc ça me rappelle ce qu'on en avait un petit peu parlé, ça me rappelle le Kitchen, la démo de Resident Evil 7, ouais. Où bon, c'était en 2016, on venait juste d'avoir les PSVR et moi ça m'avait pas mal marqué. Quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est là où on en revient à ce qu'on disait, tu as un flingue, tu tires sur des gens ou tu dois mettre un coup de couteau dans un zombie ou quelque chose. Et moi, ça m'avait marqué en VR, ce Kitchen, là, justement, parce que c'était là où c'est toi qu'on te poignardait en VR, donc t'as vraiment l'impression que tu vois la nana, et t'as toujours ce réflexe d'essayer de lui attraper le bras pour lui empêcher qu'elle te poignarde, et au moment où ça se plante, tu as presque l'impression qu'il y a eu quelque chose, quoi. Moi, c'était pas comme ça. Ou alors, il y avait quelqu'un derrière mon casque qui était en train de me planter avec des cure-dents. Mais en tout cas, je trouve que quand le mal vient sur toi en réalité virtuelle, c'est beaucoup, ça a plus d'impact que quand c'est toi qui fais le mal en fait. Ouais. Et donc là, c'est cette scène m'a fait penser à ça parce que j'ai dit putain, t'es attaché, t'es dans ta baignoire et tu vas voir le type qui va commencer à te scier la jambe. Si c'est bien foutu, ça peut rendre bien quoi. Donc le jeu s'appelle Oxide Room 104. Alors, c'est marrant, Oxide Room 104. Les développeurs disent qu'il est inspiré de, ils se sont inspirés de Silent Hill et de The Human Centipede pour créer Oxide Room. Le mélange. Ok. Donc, en gros, c'est un petit peu comme tous les jeux d'horreur. Donc, tu te retrouves ensanglanté, assommé dans une salle. Tu sais pas ce que tu fous là. Et il va falloir, dans le premier, donc dans Madison, c'était plutôt un démon qui était dans le bâtiment. Là, c'est un espèce de docteur complètement barge à la Resident Evil 7 qui va essayer de te flinguer. Donc après, là toujours pareil comme tout à l'heure, la question c'était est-ce que ça va sortir en réalité virtuelle. Et là, ça a commencé par une publication sur leur page Twitter il y a pas très longtemps où ils ont publié. C'était un petit peu avant le 1er avril, mais ça c'était pas le 1er avril. Ils ont publié un type avec donc le monstre de la jaquette du jeu avec le casque VR, le PSVR, le PlayStation VR. Il y avait aussi des bandes de compresse, une camisole de force, un défibrillateur, et il y avait écrit le starter pack VR de Oxide Room 104. Donc de là, Elroco a envoyé directement un tweet en disant « Est-ce que c'est vrai ?» Et là, ils ont répondu en disant « C'est comme ça que les choses commencent ici. Quelqu'un fait une blague, nous commençons à y penser, et c'est là que la magie opère. Nous recevons beaucoup de demandes au sujet de la VR, et nous lisons toujours tous vos commentaires. » Plus de nouvelles à venir très bientôt. Et là, il y en a un autre qui pose une autre question, c'est est-ce qu'il va être compatible avec le PSVR ? Et là, il répond, il y aura deux surprises à annoncer dans les prochaines semaines, donc ça va pas tarder. Nos experts Wild travaillent dur pour vous apporter des friandises juteuses. Et ensuite, il y en a un qui dit... Traduit de l'anglais, donc. Hein. Oui. Et ensuite, il y en a un qui dit ouais, mais moi ça me fait un peu peur votre truc parce que j'ai pas de PSVR, j'ai pas d'Oculus Quest. Et le studio répond, qui a parlé d'Oculus ? Il y aura des choses à annoncer très bientôt et avec une version VR, vous ne pourrez pas vous couvrir les yeux pour ne pas regarder, pouvez-vous imaginer tourner la tête et vous retrouver face à elle. Donc encore une fois, c'est les studios qui valident clairement le truc. Ils ont pas le droit de le dire parce qu'ils ont certainement des contrats, mais ils le font. En tout cas, ils sont motivés pour en parler. Ils ont les bons mots et on sent vraiment qu'il y a une volonté derrière de vouloir le proposer en réalité virtuelle. Tu disais qu'il y avait des accointances avec Silent Hill. Alors ça se voit justement dans les visuels qu'ils ont proposés, notamment avec les décors extérieurs qui sont un peu baignés dans le brouillard. Et surtout puis, l'espèce de la bonne femme de, qui s'est ouvert en deux là et ouais, l'espèce de monstre qui est clairement inspiré de Silent Hill 2 justement, en espérant que ce soit pas uniquement du gore gratos contrairement à Silent Hill 2. Voilà, c'est effectivement là quand tu parles quand tu parles de Silent Hill, ouais, ça saute à la gueule que voilà, ils ont baigné dedans, quoi, les mecs. Hein. Et les deux studios, suite à nos différents articles, ont tous deux mis un j'aime et partagé. Ils ont blacklisté. Ils ont partagé nos articles et ont mis un j'aime sur Twitter. Donc, quelque part, si c'était pas officiel et qu'il fallait pas en parler, ils auraient pas validé le truc, quoi. Donc, ça fait de la com. Hein. Encore un jeu. De la com. Ouais. Ouais. Oui, non, mais là, avec ce qu'ils disent, c'est ou alors on est dans le cas, ça nous est déjà arrivé aussi, du studio qui joue la carte de la VR à fond et à la fin, je sors pas la VR, mais vous m'avez fait de la pub. En fait, quoi. Non. En fait, non. Ouais, c'est ça. Mais okay. Bon, là, quand même des jeux qui s'y prêtent. Ouais. Très bien. Mais voilà, c'est quand même très très centré horreur, un petit peu comme la génération PSVR justement. Il y avait recrudescence de jeux d'horreur, alors oui. Qu'on n'en retrouvait plus trop en plat. En réalité virtuelle, c'était un petit peu le nouvel Eldorado de l'horreur. Ça fait peur, parce que là, en peu de temps, il y en a trois qui déboulent, ils vont tous se ressembler plus ou moins. Après, s'il y en a 15 bien. Ou 20... C'est très bien, en plus. Ça donne des expériences qui sont super cool, en règle générale, hein, du moment que tu as le cœur bien. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Et c'est ça le souci, à mon avis, d'avoir trop de jeux d'horreur. Genre, tu fais tester à ta tante, tiens, tu veux essayer la réalité virtuelle, boum, tu lui fous un jeu d'horreur sur la gueule. Je suis pas certain que ça lui donne une image très c'est super la réalité virtuelle, j'y retournerai bien et j'investirai bien dedans. Je suis pas sûr et certain. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Et donc, c'est bien les jeux d'horreur, mais ça reste quand même il faut un style de niche. Ouais. Faut pas l'oublier. C'était déjà de niche sur PlayStation 2. Hein. Ouais, mais ça reste aussi un des types de jeux qui se prête le mieux à la VR et qui suscite le plus de réactions. Ça décuple l'efficacité des jeux quand ils sont en réalité virtuelle, ça c'est sûr. Ouais. Donc, okay. Et puis moi je sens quand même une petite surprise, je sais pas pourquoi, parce que là ça fait, comme tu dis, le troisième jeu qui tease le fait de peut-être être porté sur PlayStation VR 2. Et comme Perp Games ne font pas essentiellement dans le plat, déjà il y avait Do Not Open qui avait été annoncé PSVR 1. Il sort aussi sur PlayStation 5, mais il n'a pas été annoncé VR sur PlayStation 5. Ça ne m'étonnerait pas qu'une fois qu'on aura une présentation officielle, un peu plus officielle du casque, que il y aura donc Call of the Mountain, et puis il y a tac, tac, tac, il y aura ça aussi. Et plusieurs cartouches, il y a intérêt. Et là, Perp Games, ils ont déjà trois cartouches, mais pour le moment, ils ne communiquent pas du tout dessus. Donc, je pense qu'il doit y avoir l'embargo. Et une fois que le dernier verrou va sauter, je pense que ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer ils envoient tous une réponse. Tu sais, quand tu poses une question, en général, on te dit non, ça ne sortira pas, on n'a pas travaillé dessus. Et là, tu poses la question et ils te répondent, je ne peux pas en parler. C'est ça. Et puis il ne faut pas oublier The Persistence aussi, hein, qui a été refait sur PlayStation 5, mais pas de PSVR 2. Ah, non, je pense pas. Il mériterait une seconde vie celui-là. Il est bien celui-là. Il est super bien celui-là. On passe à quelqu'un d'autre pour la prochaine news. Majo, t'as quelque chose dans ta besace? Non. J'ai quelque chose, mais je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. De quel jeu on n'a pas parlé encore? J'aime bien les extrêmes. J'adore Song in the Smoke, hein, vous le savez. Allez, parle du jeu de l'année, le jeu de 2022. Le jeu de la décennie. Le jeu de quoi? Du siècle. Song in the Smoke. Ah ouais, clairement. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Un jeu encore pire que celui-là. Le jeu de l'année chaque année. Et il y en a un autre qui ne fait qu'ajouter. Plus de choses à faire encore qu'il n'en a, comme si il en avait pas déjà assez. C'est No Man's Sky qui revient encore. Tu transpires l'amour quand t'en parles de ce jeu-là, ça fait chaud au cœur, franchement. Qui revient encore avec sa 19e mise à jour, puisqu'elle est annoncée telle quelle. Sa 19e mise à jour majeure, pardon, parce qu'elle est annoncée telle quelle dans le patch note, qui s'appelle Outlaw, donc hors la loi. Qui ramène comme d'habitude une multitude de petits détails en plus de son annonce de base. Donc Ça vient mettre l'aspect hors-la-loi en fait au cœur de on va dire de l'aventure, donc c'est un espace supplémentaire. Alors j'y ai rapidement joué cet après-midi, mais comme on dit, No Man's Sky, on en parlait tout à l'heure, j'avais pas trop de temps, donc j'ai fait une petite heure rapidos, et une heure dans No Man's Sky, bah, c'est 10 minutes dans un jeu normal, faut se le dire, t'as le temps de rien. Et donc j'ai pu constater quelques trucs, notamment, pour revenir sur la partie hors-la-loi, en fait ça va mettre certains systèmes, on va dire, hors connexion, ce qui fait que ils auront, on va dire, leur propre économie à eux, leur propre marchand à eux, ce qui fait que bah, tu vas récupérer des ressources comment dire, interdites, que tu pourras aussi du coup commercer avec les autres systèmes qui sont eux autorisés. J'ai pu constater du coup que via les téléporteurs des stations spatiales, il y a des systèmes que j'ai déjà visités qui ne sont plus accessibles, donc je suppose que ça a un lien. Ça doit être des systèmes du coup bah, où il faut aller via la ce qu'on appelle ça, ah, je vais plus m'en rappeler. Bref, la téléportation en gros d'un système à un autre via ton vaisseau. Donc ça, c'est une des premières parties. Ils ont encore fait ce qu'ils avaient déjà fait dans la dernière mise à jour, donc Sentinel, des améliorations graphiques, notamment sur tout ce qui est apparition de vaisseaux amiraux et de flottes de frégates et tout ça au niveau de l'espace. Donc de nouveaux effets visuels là-dessus. Ils ont aussi énormément mis l'accent sur le combat, que ce soit donc au niveau spatial ou au niveau terrestre. J'ai accédé tout à l'heure donc à une mission de récupération via une cartographie, et je suis tombé sur un vaisseau abandonné, comme il peut y en avoir plein sur No Man's Sky, et en fait je me suis fait piéger et attaqué par trois vaisseaux, mais au sol. C'est-à-dire que moi, j'étais à pied, et je me faisais attaquer donc par trois vaisseaux au-dessus de moi. Et gros coup de pression, parce que je savais pas du tout ce que c'était. Et bah, mon premier réflexe, ça a été de me barrer avec mon vaisseau, pardon, et du coup, bah, aller les combattre, comme on fait à chaque fois. Donc, des combats, on va dire, en rase-motte, au niveau du sol des planètes. Donc ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent. Mmh. Et c'est là où j'ai pu constater que les combats sont excessivement difficiles maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque dans No Man's Sky avant cette mise à jour, où bah, trois vaisseaux, en gros, tu t'en débarrassais assez rapidement. Là, en fait, ils ont rajouté la notion de bouclier pour les vaisseaux ennemis. Donc toi, tu as un bouclier depuis le début du... Enfin, en tout cas, depuis le début que je joue à No Man's Sky, donc avec la mise à jour Next qui a amené la VR au jeu. Tu as un bouclier donc sur ton vaisseau qu'il faut d'abord faire tomber pour ensuite attaquer l'intégrité de ton vaisseau, ce que tes ennemis n'avaient pas. Et donc ils ont rajouté cette donnée là et ça change la donne, mais d'une manière incroyable, où j'ai fait deux combats spatiaux. Le premier, j'ai fui, et le deuxième, j'ai réussi, mais j'ai failli mourir, quoi. Voilà. Mmh. Alors que je crois que je suis mort une fois dans No Man's Sky depuis que je l'ai. Donc c'est ça ramène vraiment plus de pression dès que tu sens qu'il y a une activité hostile, parce que quand tu te balades en fait dans ton vaisseau, il t'est signalé que tu as une activité hostile autour de toi, donc avec des pirates ou autre. Et en général, ça n'inquiétait personne puisque c'était assez simple de s'en débarrasser. Ben là, c'est plus le cas, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il va bien falloir choisir si tu veux les affronter ou t'en aller, parce que si t'es pas suffisamment équipé, je pense que t'as vite fait de mal finir, voilà, exactement. Mais c'est bien, donc, rajoute un petit peu une composante presque infiltration, quoi. Genre, tu y vas plus maintenant en bourrinant. T'es obligé d'y aller un petit peu plus stratégique. Alors, infiltration, oui et non, parce que justement, j'ai essayé de faire du rase-motte entre les montagnes, parce que ça dépend aussi de dans quelle zone tu te trouves. Alors, moi, il n'y avait pas de végétation, c'était au niveau des hauteurs dans les montagnes. Mais le côté infiltration, non, vraiment pas. Mais c'est qu'il va falloir vraiment jouer de l'esquive. Bien essayer de te mettre derrière tes ennemis, mais après il n'y a pas vraiment de zone, on va dire, où tu peux te cacher ou même de comment dire faire une espèce de fuite ou ce que tu veux, parce que tu peux même pas utiliser la vitesse maximum pour te déplacer quand tu es traqué par des ennemis. Donc il faut vraiment engager le combat. Alors et si j'ai réussi à aller me faufiler dans un cargo qui était dans les parages, je suis rentré dedans, si tu veux, pour abandonner le combat, parce que sinon j'allais finir explosé au milieu de l'espace. Donc, plutôt, exactement. Là, il faut savoir partir à certains moments. Et plutôt intéressant, du coup, de ce côté-là aussi. On a une nouvelle typologie de vaisseaux, donc qui s'appelle les navires solaires, qui sont alors des vaisseaux avec des espèces de comment dire d'ailes énergétiques sur les côtés. Ça fait genre voile. Ça fait comme une voile. Exactement. Ça me rappelle un film justement de science-fiction. Oui. Exactement. Star Wars. Il y a ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est dans la prélogie, il me semble. Exact. Donc voilà, mais c'est un peu ce style de design. Donc alors, j'ai pas vu, j'en ai croisé, mais j'ai pas pu en piloter encore, bien entendu. Donc cette petite nouveauté aussi. Donc les combats, on en a parlé. Nouvelles explosions, ah oui. Donc comme je disais, au niveau des effets visuels pour les frégates et les cargos. Donc pareil, ça n'existait pas. Enfin, où c'était assez anecdotique du coup, donc ils ont un peu plus travaillé là-dessus. Plus de vie aussi, puisque tu as les comment dire, en fait ils ont aussi rajouté beaucoup de sentiments de présence quand tu es au-dessus des planètes. Alors ils l'avaient déjà fait avec pas mal d'avions où notamment tu pouvais aussi voir ton cargo et ta flotte de plus près quand tu étais sur le sol des planètes, mais là tu as encore plus de vie du coup, où tu vas voir carrément des frégates qui vont passer, plus de vaisseaux. Tu as aussi la possibilité d'avoir un escadron. Alors ça, j'ai pas eu la possibilité de, j'ai pas essayé, pardon. Mais tu vas avoir donc en phase de combat, tu vas pouvoir avoir jusqu'à 4 vaisseaux supplémentaires qui vont t'épauler pendant tes phases de combat. Ils ont rajouté un système de lock aussi pendant les combats aériens. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés, de la physique aussi sur les tissus, ce qui n'existait pas non plus. Donc pour tout ce qui est cap, drapé. Ce genre de choses. Et ils teasent aussi le prochain mode expédition, donc qui s'appelle Blighted, alors je sais pas le prononcer, qui sera une mise à jour donc du prochain contenu, pardon, pour le mode expédition. Et enfin, ils font un peu de promo aussi pour ce week-end, donc depuis aujourd'hui, donc le 14 avril, puisque c'est le jour où on enregistre, jusqu'au lundi 18, via leur chaîne Twitch, où ils offrent en fait des cadeaux pour les personnes qui les suivront. Et puis voilà. Donc encore une fois, Hello Games, de toute façon, qui nous l'avait annoncé déjà à la sortie de Sentinel, que Sentinel ne serait pas la dernière mise à jour de l'année, qu'il y en aurait de nombreuses comme l'année 2021 avait pu le faire. Donc voilà, encore un peu de contenu qui redonne vie à ce jeu que j'ai remis pour l'occasion et que j'ai me suis forcé à quitter parce que j'aurais bien fait 3-4 heures de plus. Voilà. Ok, bon. Et j'ai une petite question. Combien est-ce qu'ils te payent Hello Game pour en parler comme ça de No Man's Sky à chaque fois? Eh ben rien du tout, 15 euros sur le bon coin, je crois que j'en ai déjà parlé. D'accord. Okay. Non, mais c'est un jeu, je me répète, c'est un jeu qui est infini, quoi. Il y a une fin au scénario, mais bon, ils en rajoutent tout le temps, quoi, tu vois, même. Mais moi, pour être très honnête, hein, je suis très très à la rue de tout ce qui est là. Enfin, Sentinelle, j'en ai vu un petit bout. C'est là, bien ça, je ne fais que profiter des décors. Mais je pense que pour le suivre et pour savoir, pour pouvoir profiter vraiment de tout le contenu qu'il propose, il ne faut jouer qu'à ça. C'est tout. Ouais, mais c'est un peu le game as service, mais gratos, finalement. Enfin, tu l'achètes une fois et il se passe plus rien après. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de microtransactions. Il n'y a pas les mises à jour, non. Mais ils t'en rajoutent à la gueule. Voilà. C'est le vrai game as service, quoi, pour le coup. Donc c'est pour ça que on rechigne pas non plus de le mettre en avant, des fois plus que de raison, ce jeu-là, parce que même si on n'aime pas ce genre de jeu, en tout cas on peut que saluer la démarche des développeurs et puis voilà, c'est un travail de titan. Faire. C'est du travail du titan et disons qu'il y a tellement de choses. En fait, le jeu est tellement grand de par son aspect procédural et il y a tellement de choses à faire que tu peux jamais tu peux jamais t'arrêter finalement. C'est le principe du craft, c'est que tu commences un truc, pendant que ça se fait, tu vas faire autre chose, et puis ainsi de suite, quoi. Et puis aujourd'hui, t'as envie de faire que ça, de te concentrer que sur l'amélioration de ton vaisseau, ou l'amélioration de ton arme, ou de ta combinaison, ou faire avancer l'histoire, bases, ou tu vois, propre base ou aussi. Aller découvrir des trucs, construire ta base, exactement. Là, il y a les colonies. Les colonies, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi donc, cette histoire de vaisseau, où ta colonie se fait attaquer par des sentinelles ou par des pirates, si tu veux. Et donc là, il va falloir que tu te téléportes dans le système de ta colonie pour pouvoir la défendre et éviter la destruction ou ce genre de truc, quoi. Et donc il y a toujours quelque chose à faire. Et puis le jeu est quand même plutôt joli, faut pas l'oublier non plus. Et c'est ça aussi qui est plaisant, quoi. Ok, voilà. Bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour du coup sur No Man's Sky. Elroku, est-ce que tu avais autre chose? Alors, oui. News. Merci, Majo, au fait. Hein. Merci, de rien, de rien. Mais pensez à aller voir le patch note si vous en voulez plus, parce que, bon, comme d'habitude, il y a 10 000 lignes de correctifs et de mise à jour à lire. Donc, voilà. Si nomansky.com, allez-y. Et si vous vous dites en VR, c'est nul sur PSVR, il n'y a absolument rien, et ben achetez No Man's Sky, achetez Dreams, et puis déjà, vous aurez suffisamment de quoi faire, je pense. Il n'y a rien à faire. Je pense que le casque PSVR a le temps de se désagréger et de tomber en morceaux avant d'arriver à la fin de ces jeux-là. Donc, voilà. Et le Rocco, s'il te plaît. Ah bah, on va dire un petit peu de la même manière que No Man's Sky, il y a un autre jeu aussi qui s'étoffe de plus en plus, un très vieux jeu, c'est Synth Rider, qui arrive avec une petite mise à jour, un petit DLC. Oui. Donc, pour suer toujours plus fort, toujours plus longtemps. Toujours plus de gras, plus d'odeur. Dans les mêmes, et toujours dans, à la bonne période, hein, tu vois, juste avant l'été, parfait. Pour se préparer. Et puis, avec l'arrivée d'une paria. Avec ça. Oui. Avec, donc là, c'est la mise à jour qui rajoute 5 musiques de Lindsay Sterling. Alors, Lindsay Sterling, c'est la petite candidate qui s'est fait refouler dans American Got Talent. Et c'est la joueuse de violon. Et elle joue du violon de manière acrobatique. Elle danse en même temps. Et c'est vraiment un style très, très rock'n'roll. Toi qui connaissais le style pop. De violon, c'est très pop, très. C'est du violon électronique, quoi, en général, qu'on fait. C'est pas du tout du classique, même si forcément il y a des petites accointances avec le classique, parce que ça reste du violon. Ça reste très pop, très électro, très dansant, très rythmique, très. Il y a beaucoup de groove, quoi. C'est saturé, c'est un peu. Ça me fait penser à du Apocalyptica dans certaines. Apocalyptica pour le coup était vraiment acoustique, mais elle en fait elle utilise une amplification pour son violon évidemment, mais elle abuse pas trop en tout cas sur les morceaux que j'ai écoutés. Enfin j'écoute ce qu'elle fait depuis bientôt 10 ans, donc c'était surtout à ses débuts. Elle abusait pas trop justement sur le côté saturation ou trop effet. Elle en rajoute pas mal. Elle chante même, aussi un peu. Je l'ai jamais vu chanter, j'ai jamais entendu. Elle a fait la reprise de Skyrim, il me semble, et d'Assassin, des thèmes d'Assassin. Et il semble que dans Skyrim, elle chante. Est-ce que c'est elle qui chantait? Et je crois je que pense pas que c'était elle qui chantait. Bon, en tout cas, c'est elle qu'on voit dans le clip. Oui, mais dans le clip, justement, il n'y a pas de chant. Enfin, si, il y a oh, oh, oh. Mais à part ça, j'espère que c'est pas elle. Et c'est des voix super masculines, donc. Faire oh, oh, oh, c'est chanter, hein. Ouais, mais je pense que c'est plus l'autre gars en fait qui était plus chanteur. Non, c'était il y avait un blondinet, je crois, qui était avec Peter Hollins, un truc comme ça. Oh, putain, mais là je suis en train de chercher dans mes souvenirs là, parce que ça fait des siècles que je truc, là. Maluka. Sinon tout le monde s'en fout peut-être. Oui, mais complètement. C'est ça. Là-dedans, c'est de la news complète. Les gars, c'est de la news complète. Non, ça nous sommes un podcast multiculturel, tu vois. On parle de réalité virtuelle, mais pas que. Tu vois, on peut parler d'autres choses. Ouais, est-ce qu'on peut parler de son sabordage et de son lynchage American Got Talent? Parce que quand même, c'était scandaleux. Je trouve pas ça normal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas digressé Noras, donc pourquoi pas. Autant y aller. Hein. Non, mais c'est. Oui, donc elle avait fait. En même temps, elle méritait. Elle avait fait, je crois, trois fausses notes dans sa présentation à Hollywood. Donc elle méritait de se faire dégager. Je comprends parfaitement l'unique membre du jury qui l'a dégagé. Voilà, dans American Got Talent, c'est l'excellence, les tours avec les animaux de compagnie. L'excellence vendable, enfin, marketable et que tu peux, tu peux vendre facilement. Quoi. C'est la télé, ça. Quoi. De mémoire, c'était, je crois que la phrase, c'était quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre un chat qu'on est en train d'égorger ou un truc comme ça. Enfin voilà, pour trois petites fausses notes à la con, alors qu'elle est en train de virevolter dans tous les sens en jouant. Alors qu'elle fait le show, hein. Elle fait le show. Et, bah ouais. Et bah, bon, après, tant mieux pour elle. Revanche. Ah oui, belle revanche. Ah, clairement, parce que bon, j'ai regardé un petit peu son parcours. Voilà, elle a cartonné. Hein. Et puis le dernier album. C'est son dernier album, ou l'avant-dernier album qu'on va profiter justement sur Synth Rider, qui va apporter 5 musiques, où c'est quasiment sur YouTube, on est entre 130 millions de vues et puis 10 millions de vues, donc... C'est un peu moins que nous, quoi, vite fait. À peu près à 2-3 vues près. Quoi. Mais bon, Synth Rider, pour rappeler, hein, c'est un jeu de danse. Hein, toujours, on l'a déjà discuté dans le podcast, hein, mais c'est pour ça qu'on nous rejoigne. Ah, c'est oui. Cardio. Il y a des boulettes qui nous arrivent dessus, un petit peu à la Beat Saber. Et puis, au lieu de foutre des coups de sabre, et ben, on bouge notre body. C'est un jeu de rythme, ouais, comme Beat Saber. Le move de gauche, on a une boule rose ou bleue, et puis dans le move de droite, une boule, la boule de l'autre couleur. Les boules arrivent sur nous, et puis on doit taper au centre, bien au centre, pour maximiser les points. Et plus le mode de difficulté est élevé, plus il y a de boules, et plus ça va vite. Et il y a une bande-son de Barjo dedans maintenant, qui se complète au fur et à mesure. Soit c'est du DLC gratuit, soit c'est du payant. Par contre, c'est vraiment de très très bons trucs. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un bon système de promo pour pas mal d'artistes du coup ? Parce que ça en fait partie. Avant Beat Saber, qui connaissait Jaroslav Beck ? Je connais toujours pas, parce que je joue pas à Beat Saber, donc c'est pas de bol. Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire, ça fait aussi un peu de promo pour tous ces groupes et personnes qui passent dans ces jeux. Ça, c'est le cas de tous les artistes et de tous les styles musicaux. La Synthwave, avant Hotline Miami, personne connaissait en France. Hein. Justement, ça a percé grâce à un jeu comme Hotline Miami et Hotline Miami 2, des Perturbator, des Carpenter Brut, des trucs comme ça, et d'autres. Je suis pas sûr, par contre, dans le cas ici, que Lindsay Starling ait vraiment besoin d'un jeu VR. Non, parce qu'elle est plus dans l'air du temps, mais je veux dire, ça permet aussi de la faire connaître à un public un peu plus large qui ne la connaît pas. Mais ça peut aider, et de rameuter un peu plus de monde à sa cause, quoi. Enfin. Bien sûr. Bah, les jeux de rythme, les jeux musicaux, c'est des viviers à trucs, artistes que tu connais pas forcément. Il y a un morceau qui te percute un petit peu dans l'oreille, tu fais des recherches sur Internet, tu vas commencer à écouter les albums, et puis... Ouais, bien sûr, c'est un très très bon moyen justement de diffusion de la musique, plus que la radio maintenant, et plus qu'Internet, où c'est toujours les mêmes merdes qui sont mis au devant de la scène tout le temps, quoi. Petite crotte de nez comme ça pour... Ah, t'en peux plus, hein. Ah, c'est pareil. Ah, c'est vrai. Mais ouais, parce que sa notoriété, elle l'a essentiellement sur Internet, comme tu parlais justement. Alors là, j'ai le nom de la personne qui éventuellement chantait ça. Peut-être ça te parle. Peter Hollens. Voilà. Non, je connais pas les noms. Tu connais pas ? Mais que Lindsay Starling, parce que j'aime bien comment elle bouge. Ah bah oui, il bouge moins bien que... Il a certainement beaucoup de talent, mais c'est pas pareil. Donc c'est vu qu'elle a c'est principalement sur Internet qu'elle a eu sa notoriété. Oui, c'est vrai que basculer ça sur le jeu vidéo, pour ceux qui la connaissaient pas, c'est toujours un plus pour elle et puis aussi pour les autres, parce que c'est franchement très très bien ce qu'elle fait. Et puis c'est un juste retour des choses, vu qu'elle se nourrit aussi de musique de jeux vidéo pour faire des reprises et puis balancer ça dans ses premières productions et qu'elle continue un petit peu à faire, c'est normal que maintenant elle participe activement. Dans un jeu, c'est bien, c'est un juste retour des choses, c'est sain, c'est un bon échange. Dans ce style d'artiste qui s'est révélé sur Internet, ils ont tous fait la musique de Skyrim, Dragonborn, ils sont tous passés par Dragonborn et un peu de Final Fantasy, ça a fait un petit peu. Et puis les gamers, dès qu'il y a une jolie fille, le cliché. Hein. Donc on like, on s'abonne et puis. Et ça se fait tout seul. Et puis j'ai la réponse pour le troisième, on le dira pas. Allez, une féministe de moins. Voilà. Donc il y a donc 5 chansons. Alors pour ceux qui connaissent, c'est Shatter Me, First Light, Mirage, Shadows et Underground. Oh, Shadows, je l'adore celle-là. C'est un de ses premiers clips en noir et blanc. Il pue la classe. Avec une ombre justement. Qui danse derrière en décalé. J'adore ce clip, je le trouve vraiment trop classe. Il y a une réponse en fait entre les deux violons et bien. C'est le clip à 160 millions de vues celui-là. Ouais, c'est un de ses premiers donc logique. Ouais. Et donc le DLC, alors oui, petite précision, j'ai quand même demandé au studio qui m'a répondu aujourd'hui. Peu importe la version que vous avez, il y a une version de Synth Rider qui est ultra complète, qui est à 59,99€. Même avec celle-là, il faut payer. Après, c'est 1,99€. Et puis voilà, c'est un par morceau ou pour les 5 morceaux? La totalité, c'est le pack Underground, et le pack Underground, voilà, c'est 2€ pour 5 chansons. Ça va, c'est pas honteux, quoi. Sachant que chaque morceau, on peut les mettre du mode facile au mode cauchemar, quoi. Donc oui, normal, ouais. Donc voilà. Moi je connaissais pas les jeux de rythme comme ça. Je l'ai fait pour la première fois en faisant le unboxing de Synth Rider chez Perp Games. J'ai fait le mode difficile histoire de voir. J'ai vu. Et on fait 2-3 parties. Hein. Et franchement, je suis à la ramasse. Hein. T'as beau être un petit peu sportif, je pense que t'as quand même du mal, quoi. Ah non, mais t'es en tension. T'es en tension tout le temps, que ça soit les jambes ou les bras. Et puis au bout d'un moment, les bras, ça pèse lourd. Hein. Ça pèse très lourd. Donc, C'est pour des moves. Franchement, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, à ceux qui sont intéressés, c'est sorti aujourd'hui. Voilà, si vous avez 2€. Voilà, mangez-en, c'est bon. Merci, Elle. T'as autre chose ou tu voulais enchaîner? J'ai deux derniers. On va alterner peut-être avec Laurent un petit peu. T'es sûr? Parce que ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu sa belle voix suave. Moi je voulais parler du scandale de la semaine. Le scandale de la semaine, le PSVR 2 en 2023. Ouais. un scandale l'autre. Plus important que ça. Plus grave. Le PSVR 2 qui sortirait qu'en 2023. Donc tout est parti de Ross Young. Ross Young, c'est le directeur d'une entreprise qui s'appelle Display Supply Chain Consultants. Donc c'est c'est un site spécialisé dans les écrans LCD et OLED qui fait des études, et bien sûr ces études sont revendues sur le site. Donc c'est là où il faut se méfier quand même. Donc ce Ross Young, il a tweeté tout simplement un petit truc cette semaine en disant que les expéditions d'écran VR augmenteront de plus de 50% cette année, ce qui représente 15 millions en 2022, malgré les retards jusqu'en 2023 chez Apple et Sony, grand saut prévu en 2023. Donc bien sûr, paf, là derrière, lui, il rajoute un lien vers son site, qui est censé annoncer un article qui va illustrer ses propos. Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde n'a retenu que Sony et 2023. Putain, le PSVR 2 est repoussé en 2023. Là, il y a une des journalistes de chez IGN qui a réagi tout de suite. C'était Taylor Lils, et elle a juste dit ça n'a pas été retardé puisque finalement le PSVR 2, il n'y a jamais eu de date d'annoncée. Donc pourquoi tout le monde dit que c'est retardé? Elle avait tout à fait raison de dire ça. Parce que le retard, c'est la rumeur d'une sortie fin. Voilà. Il faut pas oublier que c'est certains analystes et rumeurs qui ont dit que ça devrait arriver fin 2022. Là, c'est encore un analyste qui dit que ça devrait arriver en 2023. Ce que je disais, entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, finalement, il y a qu'une seconde. Donc, ils ont peut-être tous les deux raison, en fait. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est un peu plus repoussé. Il y a pas mal d'analystes. Maintenant, les analystes, ça se sépare en deux groupes. Il y a ceux qui croient toujours qu'il va y avoir quelque chose fin 2022 pour Noël. Et puis, il y a ceux qui commencent à dire que ça sera plutôt au premier trimestre 2023. De là à en faire tout un pataquès. Surtout que moi, ce qui me marque le plus, c'est que finalement, le type qui balance ça, il sait très bien qu'il balance un truc avec un article. Donc, tu vois sa ligne, putain, le PSVR qui sort en 2023, je vais vite cliquer parce que je veux lire cet article pour avoir plus de détails. Et quand tu arrives dessus, en fait, l'article ne parle pas du tout, mais alors pas du tout, d'une sortie du PSVR 2 en 2023. Mais je crois que ça parle même pas du PSVR 2 en fait, ça parle des... Ça parle un peu des écrans, ouais. Il y a des trucs intéressants dedans, comme par exemple, pour la première fois en 2022, le chiffre d'affaires de la VR, le chiffre d'affaires de vente des écrans va atteindre 15,8 millions de panneaux pour les casques VR. Et ce qui seront produits en 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 15,8 millions de panneaux, on sait déjà qu'il y a 80% de ces panneaux qui sont réservés par Meta. Alors ce qui fait flipper, c'est que ça veut dire qu'il y a 20% des panneaux de casque VR qui sont peut-être réservés par les autres, quoi, donc HTC, Sony et tout ça. Ce qui voudrait dire aussi que finalement en 2022, ben c'est vrai qu'il y aura peut-être pas tant que ça de PSVR 2. Par contre, il est possible aussi qu'il y ait une toute première partie de une petite série de PSVR 2 qui arrive pour Noël, qui soit distribuée aux influenceurs et aux journalistes, et que la vraie série de production arrive en 2023. Donc les deux, les deux est possible. Ouais, ça serait cool. L'autre truc qu'il annonce aussi également dans cet article, ça on en avait déjà parlé, c'est que le casque PlayStation VR 2 serait un casque AMOLED et qui aurait une densité de pixels supérieure à 800 ppi. Alors déjà, AMOLED, OLED, parce que Sony a annoncé de l'OLED, eux ils parlent d'AMOLED. En gros, OLED ou AMOLED, c'est la même chose. L'AMOLED, la seule différence, c'est que en fait, ils ont pris un OLED et ils l'ont un petit peu amélioré pour qu'il dépense moins d'énergie, parce qu'en général, les AMOLED sont dans des téléphones portables. Mais globalement, l'AMOLED a peut-être un chouïa de contraste un peu mieux, mais... C'est Apple qui utilisait ça surtout. Oui. Il y a énormément de téléphones qui ont ça maintenant. Il y a AMOLED et Super AMOLED même, je crois. Voilà, c'est tous les Retina, c'est ça. Après les 800 ppi, c'est intéressant aussi parce que bon, bah maintenant on peut calculer, parce que maintenant qu'on a la définition du casque, on sait que c'est deux écrans de 2000 par 2048 pixels, donc on va les assembler pour que ce soit plus facile. Ça fait un écran de 4000 par 2048 pixels. Et du coup, grâce à ça, on peut savoir, en fonction de la taille de la diagonale en pouces de l'écran, qu'on pourrait atteindre, quelle résolution on pourrait atteindre. Donc, en gros, l'ancien PSVR avait un écran de 5,2 pouces. Donc, si l'écran du PSVR 2 faisait la taille du PSVR, on serait déjà à une résolution de 864,2 ppp, donc pixels par pouce. Et bien sûr, si ces écrans sont peut-être plus petits, donc s'il est petit, s'il fait 4,6 pouces par exemple, on s'approche des 1000 ppp, ce qui est énorme, et puis surtout OLED. Si en plus de ça, c'est du RGB, la dalle au niveau des sous-pixels, c'est un des casques les meilleurs du marché, si c'est pas le casque le meilleur du marché, si on prend tous les casques qui sont sortis jusqu'à maintenant. Bien sûr, une nouvelle génération, il y a intérêt quand même, enfin, mais qui est une plus-value. Hein. Donc ce sera de la super cam. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est leurs estimations sur les ventes d'écrans. Donc tous les fabricants, parce que c'est quand même des gens qui sont en contact avec des industriels qui sont spécialisés dans la fabrication d'écrans pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et on voit qu'il y a eu 580 millions, les revenus annuels de la vente de ces écrans ont rapporté 580 millions de dollars en 2021, mais ils atteindront 1,92 milliard en 2023, 5,99 milliards en 2025 et 9,30 milliards en 2027. Et la courbe, elle est impressionnante à voir parce qu'elle part, mais donc pour tous ceux qui disent que la VR est morte, je crois que c'est que le début. Après maintenant, quel conseil, c'est probable, hein, parce que c'est probable que ça n'arrive qu'en 2023. Wizen Parole nous en avait déjà parlé en février dernier. C'est probable, pourquoi? Parce qu'on est déjà mi-avril et il n'y a toujours pas de précommande. Donc plus on attend maintenant, ils sont déjà en retard en fait. Par exemple, le PSVR 1 avait été lancé en mars pour être lancé et mis en production, pour être commercialisé plutôt au mois d'octobre. Donc là, la PS5 c'était quand? La PS5 c'était pareil, pas juin. Un délai c'était de pas 7 juin, mois. C'était pas juin. C'était pas juin pour novembre? Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, si tu compares au PSVR qui était sorti justement en fin d'année, les précommandes c'était le 22 mars. Donc là, on est déjà le 14 avril. Si tu compares à quelque chose, un événement plus récent hardware, donc la sortie de la PS5, il me semble que la date de préco et la date de sortie étaient beaucoup plus rapprochées. C'est possible, ouais, c'est possible. On va dire qu'on peut être encore ils peuvent balancer les précommandes en ce mois-ci ou même peut-être en mai. Mais bon, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est 2023, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Bon, on rappelle quand même que l'usine chinoise Gore-Tec, on avait su quand même par des fuites qu'ils avaient une livraison de prévue de 1 à 2 millions d'unités de PlayStation VR 2 pour cette année. un ou deux millions, ça fait pas beaucoup sur l'ensemble de la planète. Donc il peut y avoir une petite série qui sorte pour Noël. Après il va y avoir une rupture de stock et puis après il y a le gros de la fabrication qui va arriver. Surtout qu'il faut pas oublier que si Meta ont déjà réservé 80% des écrans sur les chaînes de production, ça veut dire que Sony attend son tour. Ça veut dire que c'est des chèques, hein, c'est des contrats qui sont signés de telle date à telle date. Moi je veux mes écrans. Et le fabricant, il va travailler essentiellement pour Meta. Et après, de telle date à telle date, il va travailler pour Sony. Donc, c'est 1 ou 2 millions qui avaient été annoncés par Gore-Tex. Ça pourrait être aussi, ça pourrait faire partie de ces 20% qui restent. Et donc, une petite partie. Et dans ce cas-là, quand ça va sortir, à mon avis, il va falloir jeter dessus parce que il va pas y en avoir pour tout le monde. Non, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. Ouais, j'espère qu'ils vont anticiper les scalpers. C'est triste pour ce coup-là, quoi. Voilà. Moi, j'espère aussi, hein. C'est triste. Ouais. Que ça serve de leçon. Quoi. Mais les jours sont étranges. Hein. Donc, oui, c'est triste, effectivement. On aimerait bien que ça se passe autrement et que ce soit beaucoup plus clair, ne serait-ce qu'en termes de communication. Mais bon, ouais, disponibilité du matos, ça ne sera pas le cas, on le sait. Ça ne sera pas le cas avant longtemps. Donc, après, il y a le prix aussi qu'on ne connaît pas. Donc, ça peut en dissuader. Le prix, c'est certains, compliqué quoi. Aussi. Ouais. Le prix, c'est compliqué parce que j'en parlais encore au niveau des bagnoles, des Tesla modèle B qui coûtaient il y a 2 mois de ça 36 000 euros, qui coûtent maintenant 43 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'électronique dedans. Là, le problème, c'est que le PSVR, le prix n'est pas annoncé. Les composants, ils doivent être également en galère pour arriver à se récupérer les composants. On sait qu'Apple va arriver, mais lui, il va balancer des casques à 1 000 ou 1 500 balles. J'espère que le prix sera pas trop haut, parce qu'il pourrait louper le coche. Si vraiment il te balançait un PSVR 2 à 600 ou 700 balles, ça ferait très mal, et à mon avis, ça marcherait pas sur PlayStation. Mmh. Donc, voilà. C'est, ah bah, s'il est plus, de toute façon, on l'a déjà dit, mais s'il est plus cher que la console. Ouais. Ouais. Ça risque de. Donc, il y a peut-être aussi une des raisons pour laquelle Sony ferait peut-être mieux de retarder un petit peu le truc. En tout cas, c'est pas simple. Ça, pour moi, c'est un faux problème parce que retarder de 3 mois ou même de 6 mois ne fera pas évoluer la situation pour moi. Mais je suis d'accord parce qu'il y a d'autres problèmes derrière. Parce que si tu attends trop, on voit le coût de l'essence, le coût d'un caddie de supermarché. Il va y avoir un moment où les gens ils vont faire des économies dans ce genre de truc. Donc s'ils attendent trop, ils risquent de se faire rattraper par une mauvaise économie qui va suivre, suite à la guerre en Ukraine, suite au Covid. Et cette vague-là, ils vont se la prendre de plein fouet, Sony. Donc c'est peut-être pas le meilleur calcul d'attendre trop, en fait. Non, surtout s'ils veulent en plus s'orienter sur les métaverses, où tu vas avoir en plus une économie parallèle qui va se développer. Ça peut aussi aller avec la crise mondiale. Non, mais c'est vrai, je te vois sourire. Je souris pas. Tu parles de métaverse, tu me parles de toutes ces problématiques-là. Moi, ça me fout un mal de crâne en ce moment, mais pas possible. Non, mais moi, je suis juste un joueur, mais c'est normal que t'en parles. C'est très très bien que t'en parles, et c'est la logique. C'est juste pas le monde du jeu vidéo que j'ai envie de vivre et que j'ai envie. Ah non, mais moi non plus. Hein. Mais je sais. Moi non plus, mais ça fait aussi la part belle à la VR, et les casques VR AR vont s'orienter là-dessus parce que c'est l'avenir, c'est, quoi. C'est finalement, plus public, c'est déjà une bonne introduction. C'est déjà l'avenir dans le plat, enfin un avenir dans le plat du moins. Donc la VR se prête encore mieux à ça, et forcément ça va aider à vendre du casque. Donc ils sont obligés de s'orienter là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi une alternative à justement le coût des matériaux, le coût du gasoil, pardon, enfin des moyens de transport et tout ça. Ça peut être aussi une alternative au fait de rester chez soi et avec l'avènement du télétravail qu'on a connu avec la période du Covid. Tu rajoutes ça au métaverse. Je pense qu'il va y avoir énormément de choses, et Meta d'ailleurs l'a bien fait pour tout ce qui est meeting, réunion à plusieurs. Ils se sont un peu aussi basés là-dessus, positionnés. Il va après, on sait pas, parce qu'on parle du PSVR 2, le PSVR 2, ça reste quand même associé à la PS5, donc aux jeux vidéo. Mais on sait toujours pas s'il va y avoir une version PC, ou si ça va être linkable sur PC, ou d'autres applications qui peuvent peut-être s'adapter sur la console. Donc voilà, il y a aussi cette part-là qui est importante, je pense, avec la VR. Et puis de toute façon, sur quoi ils se basent aujourd'hui pour faire ces estimations de 10 milliards de chiffre d'affaires en vente d'écran, Réellement, à part ce move, on va dire, de la numérisation de la vie des gens, que ce soit personnel mais aussi professionnel, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme un. Je suis pas un spécialiste, hein, mais c'est juste un avis Non, mais purement oui, c'est personnel, vrai. mais je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme gros indicateur majeur de différent par rapport à il y a 6 ans, où la VR est sortie et où on lui promettait déjà un certain avenir jusqu'à ce qu'après, bon, on connaisse les détracteurs et les problèmes C'était avant le drame, bien sûr. Voilà, exactement. Donc non, non, mais de toute façon, ça fera partie intégrante de l'avenir de la VR, ça c'est une certitude. Ben, bon, tout, bref, malgré ça, je voudrais quand même finir ce sujet-là sur une note positive. S'il te plaît, ouais. Call of the Mountain, les gouttes Si tu d'eau. non, Les gouttes bah non, d'eau, les gouttes d'eau, les si gouttes tu d'eau. cliques, si tu cliques PSVR 2 en ce moment, tu as allez 3 pages d'articles qui te disent que le PSVR 2 n'arrivera pas en 2023, et c'est affirmatif. Tout ça parce que il y a 2023? tout ça parce qu'il y a N'arrivera un pas en mec, 2023? non, n'arrivera pas avant Avant, 2023. d'accord. Tout Ouais, ça parce parce qu'il y que a un mec, là, Rossian, j'enlève le casque et je m'en vais. qui peut avoir fait du putaclic, parce qu'il faut quand même, il y a la possibilité où il ait raison, où il fasse une bonne estimation. Il y a aussi la possibilité où il balance un truc de croustillant. Pourquoi? Pour générer du trafic sur son site, et ne pas oublier que le rapport derrière de 178 pages, il coûte entre 2 ou 3 000 euros. C'est ce que j'allais dire, il s'est fait un 13e mois là. Voilà. Donc, il attire du monde sur son site, et c'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. Donc, je sais Ça, pas. c'est un, ça, c'est un procès d'intention, ça. Alors, Ben, attention là-dessus. disons qu'un site. Un site d'information, logiquement, il n'a rien à vendre. Et d'ailleurs, quand tu es dans Google News, tu n'as pas le droit d'avoir une boutique sur ton site d'information, parce que tu vas te faire jeter de Google News. Là, c'est un site qui vend des choses. Donc c'est un site avec une boutique où ils vendent des trucs. Et quand tu vas d'ailleurs dans cet article, la première ligne que tu vois sur l'article, c'est un lien vers le rapport sur la technologie d'affichage de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Et quand tu cliques un peu plus, tu t'aperçois que tu as un extrait de 46 pages. Et si tu veux le rapport complet de 178 pages, et bien derrière, il va falloir raquer. Donc, c'est possible aussi que ce mec-là, il Donc, dit, envoyez putain. des dons, faites un Tipeee que Laurent puisse lire le rapport. S'il vous plaît. Donc, Voilà. il faut Un beau pas, geste. il faut pas oublier qu'il peut y avoir C'est pour l'information. une arrière-pensée derrière tout ça. Et ça peut être vrai, hein, ça peut être tout à fait vrai, parce que là, maintenant, au mois d'avril, comme je disais, c'est possible que ça arrive qu'en 2023. Après, il n'y a que Sony qui pourra dire, qui va nous valider s'il va sortir, si ça se trouve, dans 15 jours, les précommandes seront lancées, ou peut-être 15 mai, ce sera lancé, et ça n'empêchera pas d'avoir une première vague en 2022. Là, ça s'affole un petit peu. Pensez, quand vous voyez des titres, de lire les articles, parce que là, en ce moment, voilà, Oui, c'est... s'il vous plaît. Lisez les articles. Vous arrêtez pas uniquement au Pas que les titre. titres. Voilà, On a eu et encore d'aller des à... réflexions là sur Facebook, sur le Ah groupe. bah, en Clairement, les balançant gens. un article, les gens réagissent sur le titre, et en fait, on dit le contraire dans l'article, et il n'y en a pas un qui a... Sur Qui a 15... relevé ça? Sur 15 messages, les types, ils parlent que du titre, en fait, ils savent pas de quoi on parle, en fait. Donc, Voilà, mais bon. vous êtes des gens intelligents, vous savez lire. Enfin, essayez d'aller au-delà du titre, quoi, parce que c'est. Faites le pourseil, il se sent de moins en moins bien. Ouais, c'est ça. Plus ça va, plus tu descends, ça y est, au niveau de la caméra. S'il vous Je vais finir sous plaît. le bureau bientôt. Hop, Non, hop, je suis hop. fatigué. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances, pour tout vous dire. Je suis un peu claqué, mentalement là. Mais bon, mais je vais bien. Hein, En tout cas, moi, je crois encore, si on se démerde bien, qu'on pourrait peut-être avoir quand même un petit PSVR 2 pour Noël. Mais si c'est le cas, faudra pas attendre une journée avant de faire les précommandes, parce que ça va être. Ah non, ça c'est clair. Faudra pas faire deux fois les mêmes erreurs, messieurs. Voilà. Faudra pas attendre un quart d'heure, hein, pour faire la précommande. Ah non, ouais, Hein. ça va être un truc Allez, de j'espère malade. qu'ils vont pas le vendre avec une télé, quatre jeux, Ah et ouais. puis le home cinéma là, je vais devenir fou quoi. Et On en parle de ça? Sony, ils vendent des voitures aussi, hein, donc ils peuvent Ah, mettre bah avec une tiens, bientôt, voiture. ils vont vendre une voiture. On en parle de ça parce que justement, ça a été enfin, c'est un débat qui revient de temps en temps sur le Discord, des techniques de vente. Je crois que c'est Micromania qui vend un Oh pack avec putain, une télé ils sont Sony chiants avec ça. Bravia à 2500 balles avec une Bah, PS5. y a pas que, il y a Il n'y a pas SFR que. aussi. Bah, il y Il a n'y a pas SFR que. aussi qui vend sa box avec la fibre ou je sais pas quoi et une PS5. D'accord, mais une box avec une fibre alors à côté d'une télé à 2000 balles, enfin, putain. Non, mais Ouais, là comme j'avoue, ils poussent. disait. Non, mais comme disait, je sais plus qui dans le groupe, c'est fou parce qu'en fait, il y a des PS5 sur le marché, mais elles sont boycottées parce qu'il faut faire des bundles, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ça. Enfin, elles sont gardées. Ouais, bah, c'est ça, pour vendre autre chose en plus de ta console. Quoi. Et apparemment, selon la loi, il n'y a rien qui interdit justement de faire ce genre de pratique. Alors que c'est franchement de la rétention de matériel pour vendre plus de matos. Quoi. Attends, ouais, matos, c'est ça. Il y a une baisse de prix. Et je vois, il y a une baisse de prix. Il y en a une à 1504 euros au lieu de 1564. Ah bah, ça va. Qu'est-ce que vous plaignez? Je vais cliquer. On en est où au Tipeee? Le problème, c'est si c'est ça, le problème, c'est que si t'as pas besoin de télé, il se passe rien. Et tu prends une autre télé pour avoir une PS5. Comme ça, t'as deux télés. Comme après, ça, tu fous pour la, le mec, la, des shots, et voilà. Moi, je dis pas pour le mec qui est dans cette démarche-là de changer de télé, tu sais, qui veut passer à la 4K. Après, je sais pas ce que. Mais ça reste de la vente forcée, c'est un bundle. C'est... Vous même êtes pas pour la relance la mienne, de l'économie. La mienne, je l'ai acheté comme ça. Et là, voilà, c'était un bundle. Bon, après, un bundle un petit peu moins, tu sais, sagouin, parce que bon, il y avait que deux manettes, un jeu, et puis un casque merdique. Mais après, en termes de prix, voilà, c'était pas non plus, j'allais dire excessif. Bon, moi, je m'étais préparé, pour l'acheter à la moindre occasion, mais oui, je l'ai eu à 650, un truc comme ça. Après, quand tu regardes la deuxième manette, je l'aurais acheté. Bon, le jeu, j'étais parti sur Ratchet, le pack, il était parti. Je me suis rabattu sur Morales. Au final, j'en suis très content, tu vois. Ouais, mais l'entreprise qui vend le casque merdique, il va mettre sur son site le meilleur casque vendu. On en a vendu 30 millions. Voilà. Ouais, bon, après, les gens, ils sont pas dupes. Hein. D'ailleurs, le casque, je l'ai là, mais voilà, il est encore dans la cellophane. Puis il va y rester longtemps. Collector. Et tu disais tout à l'heure, Laurent, relancer l'économie. Le problème, c'est que l'économie, c'est pas comme ça qu'elle va se relancer. Et surtout, c'est pas la façon saine, mais je sais. Mais c'est pas la façon saine que de provoquer une relance, quoi. Et puis, je veux dire. C'est pas vers du capitalisme. Ils profitent de l'occasion et puis ça en devient. Par contre, à côté de ça, il faut pas oublier que Microsoft et Xbox. Microsoft et Xbox, ils ont du stock et en ce moment, au niveau des ventes, la série X est mieux vendue que la PS5 en Angleterre le mois dernier, je crois. Parce qu'il y a du stock. Oui. C'est ce genre de conneries là, ça peut foutre la merde quand même sur un marché quoi. Ouais, mais tu vois, ça vient aussi contredire tous ceux qui disaient que la pénurie était orchestrée par PlayStation et que c'était pour faire vendre de la console. Et... Non. Finalement, non, oui. Faut se méfier aussi parce que t'as toujours les neuneux qui vont dire ouais, Xbox, depuis deux mois, sont au-dessus, vendent plus que PS5. Mais ça, ils vendent plus, c'est parce qu'ils ont du stock et que PS5 n'a pas de stock. Par contre, au niveau des chiffres, si tu focalises pas sur ces deux mois et que tu regardes depuis la sortie des consoles, je suppose qu'il y a plus de PS5 qui sont vendus que de Xbox. Donc, les chiffres de vente. On peut dire n'importe quoi avec les chiffres, en fait. Non, mais les chiffres de vente, de toute façon, on s'en fout à la limite du moment que la console qui proposera dans le futur la réalité virtuelle, c'est-à-dire la PS5. Se vend bien et se vend suffisamment convenablement pour que ce soit viable pour Sony de sortir un casque de réalité virtuelle le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Quel est le problème que Xbox touche pas une part du gâteau aussi de son côté et arrive à vendre des consoles, même sur certaines périodes, plus efficacement que Sony? Ah non, mais c'est quand je dis ça, c'est vis-à-vis de Sony, en fait, vis-à-vis des constructeurs. Après, les Guerre Chapelle, sont quand même en concurrence. Donc c'est vrai que, comme on disait, c'est pas volontaire de la part de Sony de se retrouver dans cette merde-là, parce que c'en est une. Et du coup, eux, Sony par contre, ou Microsoft, ils doivent regarder les chiffres d'en face en disant combien il en a vendu, combien... On sait que ça marche comme ça dans toutes les entreprises. Après, les joueurs, c'est autre chose. Là, c'est vraiment au niveau des entreprises. Mais arriver à vendre des télés à 2000 balles juste pour avoir une PS5, on en est là, quoi. Et les mecs, il y en a qui achètent. Moi, ça me fait chier. Surtout que, si Sony sort son PSVR2, les futurs bundles, ça sera PS5 et PSVR2 chez Micromania. Probablement, ouais. Mais ça fera vendre du casque. Ouais. Puisque tout le monde cherche une PS5. Et on va se retrouver avec deux PS5. Non, tu vas te retrouver avec des gens qui vont acheter le PSVR2 parce qu'ils sont peut-être intéressés par le PSVR2, une deuxième PS5 qu'ils vont revendre après sur eBay 1500 euros. C'est ça, et c'est reparti parce que tous ces trucs là aussi c'est pareil, les scalpers, on peut les critiquer et leur dire que c'est vraiment des enculés, et ce que je pense, mais en même temps faut voir que s'ils le vendent c'est qu'il y a des gens qui achètent en face. J'en avais déjà parlé, moi j'ai des collègues qui en ont acheté, mais voilà, mais oui, ça mais... je trouve ça mais lamentable, je veux dire, moi aussi, hein, t'as un devoir de Je dis, t'es fin taré, quoi. Enfin, je veux dire, il y a oui, un mais moment quelque part, il y a un débat là-dessus valeur, parce que. Est-ce que les grandes chaînes de magasins qui font des bundles comme ça avec un casque audio, avec une PS5, avec trois jeux et au final le type qui veut qu'une télé, on lui dit bah écoutez vous prenez cette télé, vous rajoutez un petit peu, vous avez la PS5 avec, vous avez je sais pas quoi. Est-ce que ça alimente pas aussi le marché de comme tu dis des scalpers où le type il va vendre un casque audio merdique, il va dire bah j'en veux pas, je le refais sur eBay. Mais la PS5, et ben le mec il a acheté la télé, il a dit je vais la prendre pour mon petit-fils comme ça. Et puis après le petit-fils il a déjà la console, merde j'en fais quoi, allez je la fous à 1000 balles sur internet. Ouais, non mais parce que à l'origine ça n'existait pas, ça c'est venu après, c'est une deuxième vague de produits de vente forcée. Si à la base le scalp il avait été fait juste sur les consoles seules. Ah oui au début. Pas oui. Cette histoire oui, oui. De. Au début oui. Mais je veux dire quand tu vois sur eBay des consoles qui sont vendues ou même sur Cdiscount. Qui sont vendus entre 1100 et 1600 euros la console seule. T'as le tonton qui est dans le cas. Oui, mais t'as le tonton justement qui est dans le cas que Laurent détaillait, qui se retrouve avec une PS5 sur les bras. Il voit, tiens, combien ça se vend ce truc-là. Putain, 1500 euros. Ah ouais. Allez, putain, je mets à 4000. Pour la négociation. Je mets au même prix. Voilà. Il y en a plein où je la lâche à 900 et puis je fais une. Même des gens qui sont innocents et qui sont vraiment pas forcément dans le délire mercantile derrière, se faire de la thune sur le dos. Mais c'est le même principe. Même chose, c'est le même principe, je dirais, que Kinect intégré au Xbox One. Ou même des jeux, parce que moi, par exemple, quand je voulais à tout prix la PS5, et moi je voulais le pack avec Ratchet. C'est ce que j'aurais acheté si je l'avais trouvé en magasin. Au final, j'ai pris autre chose. J'ai pris le premier pack qu'il y avait et je me suis retrouvé avec deux jeux que j'aurais pas forcément acheté. Donc après, au niveau des ventes, c'est des jeux qui vont se retrouver dans les marchés d'occasion qui sont encore sous cellophane parce que les types les ont même pas ouverts. Ils ont pris le jeu juste pour avoir la PS5. Voilà, ça peut générer voilà. du produit en plus sur le marché, quoi. Pour c'est ça, ça génère du produit, comme tu disais, ça aide l'expansion de l'économie, mais pas dans le bon sens, quoi. Genre, c'est là. C'est le côté pervers de la situation et du capitalisme, quoi, à outrance. Mais bon, après, c'est le monde dans lequel on est, quoi. T'en penses quoi du capitalisme, Elroco, toi, avec ta collection de 8000 jeux? Oui, toi, tiens. C'est dégueulasse. Mais c'est pas du capitalisme, monsieur, c'est de la collectionnisme. Ce n'est pas pareil. Ouais, mais moi, du full set, j'en ai pas fait. C'est franchement, dans cette technologie-là... Je l'ai déjà dit, hein, moi j'ai connu le jeu vidéo, la naissance on va dire du jeu vidéo sur PC, j'ai vu que c'était le boom, là je vois la VR principalement sur PlayStation, j'ai vu que c'était un truc extraordinaire, donc je me suis dit bon allez, maintenant que j'ai un boulot, que bon j'ai pas forcément de temps, mais que voilà j'ai les finances, ça dépend. Je me suis dit, allez, hop, si on doit faire un début de full set, autant commencer sur PlayStation VR. Et quand tu vois comment ça, justement, le côté capitaliste, je vais en parler après de certaines éditions, mais waouh! Allez, franchement, les enfoirés, quoi. Il y en a qui piquent. JobSim, tu l'avais trouvé je crois qu'on avait déjà parlé, tu l'avais trouvé à combien, JobSim? Je sais pas si j'ai envie de le dire, mais ça c'est mon Vietnam, c'est mon Vietnam. Et encore, non. je l'ai eu en enchère sur eBay, donc il est parti. Non, mais bas. Pas le prix auquel tu l'as acheté, mais le pire prix que t'as vu sur internet, c'est quoi? Le pire prix en neuf, pas ouvert, je crois, c'était 400 euros, sans les frais de port, sans la douane. Voilà. En plus, oui. Ouais, mais c'est Robinson, je crois, qui est à ce prix-là. Où il y en a, putain. Non. Ouais, non, mais Robinson, Robinson tu peux le trouver. Tu peux le. Non, tu fous, toi. Qui c'est qui a parlé de Robinson? Merde. Non, Robinson, tu peux encore, Laurent. Toi. 400 balles, il mérite. Mais c'est toi qui mérite, ouais. Il n'est pas très cher, franchement. Non, il est pas encore. Ça dépend, on peut encore le trouver en occasion ou des trucs comme ça à des prix normaux, donc ça va encore. 300 non, mais même pas. Mais je crois que franchement, c'est l'un des jeux, par contre, en neuf et dans un prix normal, il a coûté 30-40 euros. Non, 60. Robinson, 60, ouais. 69,90 euros. C'était le prix d'un jeu normal. En démat, je m'en souviens. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, autant pour... Bah, il est pas cher alors en ce moment. Bah ouais. en occasion, il est vraiment pas cher. Donc celui-là, ouais, 40 euros. Mais il y en a certains. Bah, JobSim, ouais, c'est lui, c'est le pire. C'est le pire. Mais okay. c'est justement le. Bah, en fait, c'est le problème. Je vais en parler parce que après il y a une autre les news, on n'a pas fini les news, mais il y a la sortie en boîte et c'est le problème des jeux vendus par Limited Run qui tu veux enchaîner Rocco, vas-y hein. Donc je vais parler de la petite sortie boîte dans exactement 17h14 et il va y avoir Winds and Leaves qui va sortir en boîte chez Limited Run et dans deux versions différentes. Une version, on va dire, normale qui va coûter, mine de rien, $39.99. Donc en règle générale, on rajoute 15, ça va faire du 55 €. Et je sais pas encore parce que ça fait longtemps que. Alors non, normalement, non, il n'y a pas de frais de douane. Donc c'est 55 € pour quelque chose qui coûte $40. Et une deuxième version avec l'OST du jeu qui va coûter, elle, par contre, 55 $. Donc voilà, donc ça va être une soixantaine, 70 €. Voilà. Donc Winds and Leaves, la simulation de jardinier. Voilà, pour ceux qui aiment. Et non, t'as planté ta graine, Laurent d'ailleurs. Jardinier. Elle est morte. Non, je l'ai encore. Faut que je mais d'accord, cette graine-là, d'accord. Putain, ouais. Ah ouais, non, calmez-vous les gars, calmez-vous. J'ai vu que tu te sentais pas bien. On parle de quoi là? On rigole de El Rocco quand même, qui collectionne tous les jeux VR depuis qu'ils sont sortis. Mais imaginez que la VR fasse vraiment un carton dans les 10 ans à venir, ces jeux, ils vont valoir une fortune. S'ils sont encore sous cellophane, ils vont valoir une blinde, ces jeux. Il y en a encore. Une blinde, mais... dans 10-15 ans, ça vaudra de l'argent. Ouais. Ça sera la fin du physique, donc ça sera encore des jeux physiques qui puissent être sur. C'est une collection qui peut valoir beaucoup d'argent. Premier casque VR, PlayStation. Ah bah, c'est ouais, là en ce moment, c'est les VR, hein. C'est les jeux PlayStation 2. C'est les jeux PlayStation 2 et GameCube qui commencent à côté. Il y en aura. Il y a encore des neufs qui sont sur le marché. Ouais. Effectivement. Donc bah oui, donc voilà, pour ceux qui collectionnent comme moi ou alors qui aiment ce jeu, bah il va y avoir la petite version physique avec l'OST et il y a un deuxième jeu qui lui par contre sort chez Strictly Limited, c'est Puzzle Bobble 3D. Puzzle Bobble VR Vacation, pardon. Et c'est pareil. Il va être vendu alors en version collector. Alors là par contre c'est un. Pour le coup, je préfère les collecteurs de chez Strictly Limited parce qu'il y a un petit peu plus de contenu. Je dis pas que le prix est raisonnable, mais on va dire que le contenu vaut un petit peu plus, justifie le prix. Donc sur la version collector qui va être vendue, alors vous avez le jeu, la boîte. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est que le fascicule, le manuel est devenu collector maintenant. Donc il va y avoir le manuel du jeu en couleur. Quelle tristesse. Ouais, c'est triste. Donc, poster, pins, stickers. Il y a des stickers pour customiser son casque VR. Et il va y avoir carte postale et une serviette pour 1m80 sur 80 cm qui va. De Puzzle Bobble. De Puzzle Bobble, ouais. Putain, ça peut claquer ça en vrai. La serviette, je serais pas contre. Hein. Non, franchement. Bah, écoute, c'est 180 €. Bah, pas cher pour une serviette. Franchement, c'est pas mal. Non. Franchement, le collector, il est vendu à 59,99 €. Plus, ouais, je pense que à partir des gros collectors, les frais de port, ça se situe entre 10 et 15 €. Et alors, c'est justifié? Bah, par rapport à une version boîte, par rapport à la Winds and Leaves, même avec l'OST. Ouais, parce que t'arrives, on va dire, avec les frais de port inclus, t'arrives au même prix et t'as nettement moins de contenu chez Limited Run. Donc, il y aura cette version-là collector de Puzzle Bobble et puis il y a aussi, normalement la version. Alors, il y a une version PS5. Ils ont pas teasé si c'était VR ou pas, mais la version PS4 normale à 29,99 €. Voilà. Ok. Bon. Ami du physique. Tu me fileras les liens, comme ça je les mettrai sur sur l'article du podcast. Mm. Ça mange pas de pain, on gagne rien dessus, hein, donc vous pouvez cliquer, vous ne servirez pas les intérêts de VR for Player en cliquant dessus. Alors c'est pour ceux que ça intéresse, quoi. Puis je sais qu'il y a aussi un gros collectionneur dans le Discord. Dans la commu, ouais. Ouais. Donc voilà, qui est plutôt pas mal, qui nous a déjà envoyé une jolie photo de sa collection. Et puis je vois déjà qu'il a un collector Limited Run à 400€. Ah mais c'est un bon jeu, c'est Stamper. Oui, c'est ça, Stamper. Même, ouais. Mais même, non, mais je peux pas cautionner les prix comme ça. Je peux pas. Vous allez voir, hein, ceux-là. C'est pas encore sorti, dès qu'il va y avoir les ventes. Je parle que de Limited Run parce qu'il y a qu'avec ce site-là que ça se passe. Dès que ça va être terminé, vous allez voir, les jeux ne seront même pas produits, que déjà il y aura les annonces eBay avec 50 à 100 balles de plus. Ouais. C'est la coutume Limited Run hashtag eBay. Voilà. C'est ça. Et ça se vend. Qui tue. C'est la mode. C'est la mode. Et ça se vend. C'était la mode à l'époque. ok. Ensuite, pourquoi je dis ça? est-ce que t'as quelque chose, mon petit Majo? À nouveau. Ouais, je vais juste revenir sur Horizon. J'ai terminé donc Horizon Forbidden West. Juste pour dire que ça a été. Pour moi, une gifle au niveau des graphismes du début jusqu'à la fin. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. C'était pour les news hein, que je t'ai demandé. Ah pardon. Ah ben, c'était parce qu'on parlait de. Ah non, pour les news, rien du tout. Enfin si ça intéresse des gens, j'ai fini Forbidden West. C'est une nouvelle quand même importante. Ne crois-tu pas qu'on devrait utiliser notre focus ici? Je pense qu'on devrait utiliser notre focus. Voilà. J'avais mal décrypté l'information. Pas de souci. Toujours très préparé. Je l'ai toujours pas lancé. Putain, vous me donnez envie là avec votre focus. Laurent. Non, mais en fait, je voulais juste. J'ai encore des choses à dire, moi. Hein, si, mais ta gueule, Majo, mais c'est pas possible, ça. On n'y est pas encore. Non, excuse-moi, bisous. Oui, Laurent, donc, vas-y, on termine les news parce que Majo, il a absolument utilisé son focus. Une news, c'est. Il y a quelque chose qui commence à sentir relativement bon, je dirais, d'ailleurs. C'est que, en fait, sur le site PlayStation. Quand on va sur le site PlayStation, on peut aller voir la page réservée au PlayStation Studio. Donc, vous allez dans le moteur de recherche, vous tapez PlayStation Studio, vous allez arriver sur la page. Et là, donc, il y a une bannière avec tous les principaux personnages des jeux PlayStation Studio, donc les jeux propriétaires de Sony, qui a changé aujourd'hui. Cette bannière, on pouvait y voir, par exemple, Dreams de Media Molecule. On y voyait Polyphonie Digitale avec Gran Turismo. Il y avait le petit Astro, il y avait Ben Studio, il y avait Guerilla, il y avait toute la clique d'une des petites images de vignettes God of War et compagnie. C'est la famille. Et il y avait complètement sur la gauche, donc c'est rigolo parce que si on a un écran qui est un peu trop petit, on voit pas ceux qui sont sur le côté, donc il faut faire un dézoom de l'image pour voir toute la bannière sur sa globalité. Et quand on regarde cette bannière, hier il y avait Pixel Opus avec Concrete Genie qui était dessus. Et là, aujourd'hui, ça a été remplacé par Death Stranding de Kojima Productions. Seulement, sur toute cette bannière, c'est le seul qui ne fait pas partie des PlayStation Studios. Donc, c'est un peu louche, surtout que Kojima Productions est édité par Sony. Mais c'est un peu financé. Vachement financé avec le moteur de Decima de Guerilla. Oui, mais je veux dire, il fait tâche au milieu de tous les autres parce que tous les autres sont propriétés de PlayStation. C'est vraiment des studios internes. Donc, avec tout ce qu'il y a en plus sur Silent Hill, sur Metal Gear Solid en ce moment, ce serait pas étonnant qu'on entende. Alors il y en a, ça commence déjà à s'exciter un petit peu sur Twitter en disant Kojima pourrait être racheté par Sony. C'est vrai que Kojima Productions, c'est pas un studio qui vaut une fortune, donc qui serait accessible pour être acheté. Parce que quand on parle de Kojima, on pense tout de suite à Silent Hill, on pense tout de suite à Metal Gear Solid. Sauf que ceux-là, ils appartiennent à Konami. Kojima Productions n'a été fait qu'après. Donc finalement, le studio en lui-même, il coûte pas une fortune. Donc ce serait pas étonnant de le voir arriver dans le bloc PlayStation Studio. En tout cas, ce changement d'image est bizarre parce que finalement, ils ont changé que cette vignette. Ils ont vu. Alors ça veut dire deux choses. Soit Pixel Opus. Bah, ils l'ont peut-être viré, ou il va peut-être fermer dans pas longtemps, ou j'en sais rien. Soit ils ont mis Death Stranding pour teaser quelque chose qui va arriver sous peu, ou c'est bizarre. Ils nous ont fait le même. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que Kojima aussi, il avait discuté avec Microsoft pour développer quelque chose qui était spécifiquement lié à la technologie du cloud. Oui, mais alors, disons que Kojima est quand même beaucoup plus proche de PlayStation et à mon avis, Phil Spencer, lui, il a bien voulu parler à Kojima pour lancer des fausses rumeurs, pour tu sais, c'est un peu de la politique aussi par moment tout ça. Oui. Quand il met une petite statuette derrière son champ de la caméra, un truc de Kojima, c'est juste pour faire le feu sur foutre le bordel sur Internet quoi. C'est volontaire. Oui, mais d'un côté comme de l'autre. Bien sûr. C'est la même communication politique. Sauf que là, c'est pas un truc de camouflé, c'est un truc sur la page officielle du PlayStation. Et rappelez-vous, par exemple, de Bluepoint. C'était suite à ce genre de fuite qu'on avait su 2-3 semaines après qu'ils avaient racheté Bluepoint. Il y avait eu une photo de Bluepoint qui était sur le site officiel, et là c'est pareil. Ben là il y a Death Stranding qui est sur le site officiel et qui est mélangé, qui est le seul tout seul au milieu de tous les autres studios. Donc ça veut peut-être dire quelque chose, ça veut peut-être rien dire. En tout cas, il fallait juste le faire remarquer. Il y a beaucoup de monde qui l'a vu. Voilà, il faut c'est un truc un peu bizarre. Voilà. Ok. Ok. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve là-dessus. As-tu autre chose ? Oui. Un dernier petit truc de Sid Schumann, le directeur. Alors attends. Non, c'est pas ça. Le dernier petit truc, c'était une déclaration des développeurs de Moss qui ont parlé aujourd'hui. Polyarch. Qui a dit un truc très intéressant. Donc il a dit, je le cite, je suis très enthousiaste à propos de ces nouveaux contrôleurs, en parlant des Sense contrôleurs du PSVR 2, car nous avons enfin un ensemble de contrôleurs VR de haute qualité. Je pense qu'ils ont le potentiel peut-être pour être les meilleurs de cette génération actuelle pour plusieurs raisons. Nous avons, vous savez, un excellent suivi. Enfin, vous avez deux mains, ce qui est énorme, non ? Nous avons dû concevoir un jeu qui fonctionne à une main, avec la DualShock 4, ou à deux mains, avec le PlayStation Move. Maintenant, nous avons de vraies mains, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Et c'est Brandon Walken, l'ingénieur principal du développement chez Polyarch, qui a balancé ça aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on en parlait un petit peu dans les articles. C'est que ben ça sent que Moss 2 pourrait bien débouler aussi sur le PSVR 2 s'ils ont déjà apparemment les scènes sans main quoi, et puis ils en disent vraiment des éloges quoi. Bon, après ils s'emballent un peu parce que le meilleur contrôleur juste parce que t'as deux mains, tu vois ce que je veux dire, enfin c'est pas non plus oui tu sens qu'il brode un peu quoi, tu vois, il en rajoute un peu, disons qu'il y a les moteurs haptiques avec dedans hein. Ouais, ça je suis d'accord, mais bon. Oui, c'est de sa citation, c'est incroyable, on n'a jamais vu autant de puissance, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça? ça fait 30 ans qu'on l'entend, ça, tu vois. Enfin, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est même pas la pub pour les Sense. C'est pas la pub, c'est le fait qu'il en parle, que ce soit lui qui en parle et qu'il vienne de Polyarch. Là, pour moi, c'est le ding que ça fait dans ma tête, c'est Moss 2 sur PSVR 2. Oui, non, mais ça c'est un secret de polichinelle, ça c'est pareil, c'est tout le monde le sait. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est obligatoire, sinon ils se tirent une balle dans le pied. Ils peuvent pas à une sortie aussi proche du prochain casque ne rien faire là-dessus, c'est pas possible. Ou c'est le libre 3. Du coup, ça. Oui, peut-être aussi. Bundle. Ah non. Non, Moss 2, il faut qu'il sorte sur le PSVR 2, merde. Moi, je veux un bundle avec les 3 livres, même les 5 livres. Tu m'étonnes, tu sais, avec une édition où c'est vraiment un livre, tu vois. comme ils ont fait pour Alan Wake sur Xbox. Mais il doit bien y avoir des joueurs qui ne l'ont pas acheté juste parce qu'ils attendent une version PSVR 2. J'en fais partie. Il doit y en avoir un paquet. Moi, j'ai parti. Franchement, je l'ai installé, moi, mais j'y vais à reculons. Ce jeu-là, je veux pas le faire. Fais-le. Je veux pas le faire sur le PSVR. Oui. Franchement, tu peux, il est quand même très très beau. Ouais, mais il serait tellement mieux sur le PSVR. Il est super. Ouais, mais t'as fait le premier, fais le deuxième. Profite déjà. Ah, mais je le ferai le deuxième. Ah, mais c'est trop chiant à débrancher. Mais comme je disais à Majo, le mieux est l'ennemi du bien. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a tellement envie d'avoir mieux que du coup, on profite pas de ce qu'on a maintenant. Et on n'est pas les seuls. No Man's Sky, c'est sûr. Bah, No Man's Sky. T'as vu comment il s'est faufilé? Ça m'évolue pas des portes. Le message subliminal. S'il y en a qui nous écoutent en orange, je peux vous faire une heure d'ASMR. No Man's Sky 15 euros, si vous voulez. No Man's Sky 15 euros. Achète-le. Tu te réveilles, putain, j'achète. Faut que j'achète. Magnifique. Hello Game. il est fort. Vends des cassettes. Vendez-moi ce stylo impeccable. Évidemment, ce stylo. Vendez-moi No Man's Sky. Ok, bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du coup maintenant ou ouais. Ou bien ouais. Ouais, alors moi je voulais dire Horizon. Alors attends, donc nous allons. Laisse-moi t'introduire, s'il te plaît, Majo. Ça fait maintenant un moment qu'on se connaît. Ah, mais en plus, c'est un truc de merde. Hein. Je voulais juste rebondir sur un truc dont on a parlé pendant qu'on parlait des écrans. Il n'y a pas de news. Pas de news, non, pas. Mais j'aimerais bien remettre en place une vieille chronique qui faisait partie du tout début de l'émission autour d'un VR et qui a rapidement gavé tous les participants. Parce qu'elle était un petit peu systématique. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de test de jeu VR cette semaine, du coup, j'ai envie de vous demander, messieurs, et en plat, vous jouez à quoi? Et je vais du coup commencer par Majo. Merci. C'est spontané. Écoute, rien. Merci Majo. Vas-y. Non, je disais tout à l'heure, j'ai fini Horizon Forbidden West, donc je ne l'ai pas platiné, je ne suis pas un platineur de jeu, j'ai quand même 70 heures dessus, ce que je trouve quand même assez long, parce qu'il me reste pas mal de choses à faire, pas mal de zones que je n'ai pas explorées, pas mal de quêtes annexes, enfin, je pense que j'ai bien 30 heures de jeu supplémentaires, si c'est pas plus, même pour terminer tout ce que j'ai pas fait, aller un peu plus en profondeur. Moi, juste ce que je voulais dire, du coup, c'est que le jeu est magnifique. Voilà, du début jusqu'à la fin, c'est une gifle technique. Et en fait, une fois terminé, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est Call of the Mountain. Voilà. Quand je vois la qualité, et les soins qu'ils ont apportés justement à ce Forbidden West. Au niveau de l'environnement, au niveau de on peut dire de la vie qui peut y avoir dedans, la qualité des textures et tout ça. Enfin, je me dis que Forbidden West, on va finir en PLS, comme on dit, quand on va avoir le PSVR 2 sur la tête, c'est obligatoire. S'ils apportent la même qualité, le même soin et la même qualité à la version VR, ça va être incroyable. Juste un petit truc. Quand tu t'habitues un petit peu à la beauté des visages qu'il peut y avoir dans Forbidden West, et les visages font partie des plus beaux et des mieux animés que j'ai pu voir dans un jeu vidéo. Ça dépend. Je suis pas tout à fait. Justement, j'avais gardé ça en tête, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pas tous, mais en tout cas, voilà, moi c'est ce que je ressens. Pour moi, il y a vraiment plusieurs tops. Hein. Il y a l'école Capcom qui a fait des gros progrès. Quand tu regardes par exemple des jeux comme le dernier Devil May Cry, ils ont fait dans les expressions faciales, c'est saisissant de réalisme. T'as les jeux Injustice aussi, les jeux de Warner là, ou Mortal Kombat aussi, pareil, qui sont des visages, même quand ils sont très grimaçants, sont vraiment très très très bien foutus. Last of Us 2 pour moi n'en fait pas forcément partie, en tout cas pas dans le même style, même s'ils sont très bons aussi, mais c'est pas le même genre en fait. Là vraiment on va sur la next-gen. Et donc du coup Forbidden West en fait partie, et quand tu regardes ensuite, et je vais y arriver, le trailer de Call of the Mountain là, et tu vois la laideur du visage, je me dis mais c'est pas possible, cette démo là a été rendue bien avant, enfin C'était en cours de développement, mais il y a des ans. Ça reste de la VR. Hein. N'oublie pas, double puissance, double écran, même s'il y a le rendu OVL, l'eye tracking. Peu importe. On est quand même sur quelque chose. Mais non, ça demande quand même plus de ressources. Ça reste de la VR PSVR 2, alors que les visages magnifiques, tu les as aussi sur PS4, plat. C'est une question technique, en fait, de moteur et d'utilisation du moteur. Enfin, comme je t'ai dit, aujourd'hui, là où tout le monde s'était arrêté sur le visage, il est pas top, regarde les dents et machin, enfin, moi, j'ai pas regardé ça, j'ai regardé tout ce qu'il y a derrière, en fait. Ah, mais j'ai regardé le visage. Je m'en fous, finalement, du visage ou de la... Enfin, c'est ça la différence entre nous, c'est que moi, en premier, je regarde le visage, toi, tu regardes le derrière, quoi. Ouais, exactement. le décor, exactement. Les buissons, les gouttes d'eau. Non, si tu prends un jeu qui avait une bonne qualité d'animation, qui était Blood and Truth, on est quand même un cran au-dessus au niveau texture, quoi. Après, ça reste une démo technique et un teaser. Encore une fois, on a rien vu de tout ce qui est à côté, mais non, je peux pas croire qu'avec le soin qu'ils ont apporté à Forbidden West, je peux pas croire qu'ils vont pas faire la même chose. J'en suis sur ce Call of the Mountain. Après, faut pas croire. Enfin, ce que je dis pas que ça sera aussi beau que Forbidden West. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que par contre, vu la gifle qu'on a pris avec ce Forbidden West, il y a de fortes chances pour que ça soit quelque chose d'aussi qualitatif, quoi. Je suis très très agréablement surpris par la qualité du jeu. D'un point de vue visuel, après techniquement, bon, y a eu beaucoup de correctifs, j'ai eu moins de bugs sur la fin, que ce soit au niveau du pathfinding ou même de collision, tout ça. Bon, après il y en a quand même eu pendant le reste de l'aventure, donc il y en avait quelques-uns. L'histoire, mon pote m'a demandé ce que j'en pensais par rapport au premier, c'est vrai que je m'étais pas trop posé la question, mais je la trouve moins impactante quand même. Ouais, pareil, plutôt d'accord. Un peu moins impactante finalement. Parce que t'as pas le twist. Arrivé à la fin. T'as pas le twist de milieu de jeu que t'avais dans Zero Dawn justement, où tu comprenais la situation. Ouais, mais c'est moins. Tu l'as, mais c'est pas c'est pareil. C'est moins percutant. Beaucoup moins percutant. Exactement. Et puis voilà. Après, bah ça reste un open world à l'ancienne, hein, on va dire, avec énormément de choses à faire, très dirigiste. Comme on l'a dit, ça c'est un de ses plus gros défauts, voire son plus gros défaut. Même si au bout d'un moment tu l'oublies, je veux dire, moi j'y faisais plus attention. Utilise ton focus, pense à utiliser ton focus. Voilà, ouais, comme on dit. C'est pour ça on se marrait avec Laurent, parce que Laurent aussi l'a fait. Et c'est vrai que c'est un truc qui nous a sauté à la gueule. C'est vraiment le dirigisme du jeu. Hein. Tu devrais prendre ça d'échelle, hein, tu penses pas. Dès le tuto, et je me suis dit, ouais, ça va peut-être durer que l'instant du tuto, mais en fait, pas du tout, quoi. Mais le tuto, à la limite, pourquoi pas, parce que t'apprends un petit peu à appréhender l'univers du jeu, etc., mais quand c'est vers la fin, au bout de 60 heures de jeu, et que t'as le personnage qui te dit, il y a une porte, je devrais essayer de la prendre, mais putain, mais laisse-moi chercher deux secondes, laisse-moi juste admirer le décor, parce que, au final, tu te contentes de faire ça, je peux être sûr que dans les 10 secondes qui suivent, t'as un conseil, quoi. Mais tu vas la fermer? Mais même, ça, dans premier, hein, même dans le premier, elle l'ouvrait. Elle le faisait beaucoup moins. C'est pareil, j'ai pas l'impression que ça soit aussi récurrent, quoi. Alors oui, parce que moi, avant d'attaquer le 2, je me suis refait le 1. Et en fait, je me suis pas arrêté, en fait. À la fin du 1, j'ai enclenché direct le 2. Et c'est flagrant. C'est flagrant entre les deux. Là, dans le 2, c'est insupportable, quoi. Toutes les 30 secondes. Tu te prends pour un bonnet, et puis tu te dis, mais tu vas te taire 5 minutes, là, Aloy. Ça s'appelle la casualisation des jeux. Avec son focus, là, elle me saoule avec son focus. Ah, mais je te dis, t'as pas fini. Tu vois une échelle, elle te dit, ah ouais, cette échelle machin. Il y a même des trucs qui sont pas dans ton champ de vision. Et si tu passes juste la caméra, tu sais, avec ton joystick droit, voilà, elle va te balancer un commentaire, mais tu sais pas du tout à quoi c'est destiné, en fait, parce que tu regardes pas là. Même à ce niveau-là, c'est casse-couille. Devrait passer par ce rocher, mais en fait le rocher il est plus. Ouais, il est derrière, quoi, il est dans ton dos. Mais tu l'as vu parce que t'as fait une rotation de la caméra et le jeu l'a capté, mais toi non. En fait. Donc c'est vrai que c'est. Là-dessus, ça c'est vrai que pour moi c'est un gros point noir. Énorme point fort aussi, les voyages rapides. Parce que quand tu vois la taille de la map, moi je les ai utilisés beaucoup plus que dans le premier. Les voyages rapides, franchement, t'as 4 secondes de chargement et t'es téléporté à l'autre point, donc ça c'est. C'est ça, c'est incroyable. Et puis après, bon, bah, le bestiaire qui est assez intéressant, les combats à l'arc, bon, qui sont pas vraiment différents du premier. Il n'y a pas énormément non plus de j'ai pas trouvé énormément de comment dirais-je d'avantages avec la DualSense. Ça m'a pas choqué, enfin plus que ça, c'est un plus, mais sans vraiment apporter un plus. Et puis voilà, pareil pour les retours haptiques. Enfin, moi j'ai tendance en plus à poser ma manette quand il y a des longues cinématiques et tout ça. Il y en a quand, ben voilà, quand il se passe des trucs, donc j'en ai pas non plus spécialement profité. Donc là-dessus, je dirais que ça m'a pas apporté grand-chose. Et puis voilà, non. Après, les quêtes, ouais, si les quêtes annexes, je les trouve un peu mieux scénarisées. Après, les enjeux sont pas extraordinaires, mais elles sont quand même un peu mieux scénarisées que le premier. Ah, mieux scénarisé au début, il y en a qui se rejoignent un petit peu en plus pour faire une espèce d'enquête globale, certaines quêtes annexes. Arrivé à au premier tiers du jeu, c'est du FedEx, c'est du tiens, va chercher certaines ressources, tiens, je t'accompagne, donc tu commences à avoir une grande vallée, ah bah va falloir buter tous les robots qu'il y a dedans, et Ouais, c'est mais ça tout le temps, il y a tout le quand même temps, un tout le petit, temps, il y tout a le quand temps. même un petit enjeu, et puis les personnages se connaissent, et puis il va falloir que tu aides le petit-fils d'un personnage important que tu vas retrouver un peu plus loin, tu vois, Ouais. il y a quand même deux trois trucs comme ça. Ça devait pas être assez Donc impliqué alors. c'est quand même mieux amené que dans le premier, et puis on n'est quand même pas au niveau de va chercher trois chats de FF7 Remake, hein. Non, On mais on n'est pas est non plus au niveau des Assassin's Creed des derniers ou même oui, ou les dans quêtes The Witcher. secondaires ou dans The Witcher où même les quêtes secondaires sont vraiment scénarisées quoi. Mais bon, ça fait quand même, il y a quand même une amélioration par rapport au premier. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a supporté dans le premier, qui a été rehaussé dans le second. C'est pas le point fort de la série quoi. Après, comme j'ai dit, de toute façon, ce Forbidden West, si on doit le résumer, il révolutionne rien, mais il est magnifique. Voilà. Il fait tout bien, voilà. Ok. Bon, ouais. Merci Et Majo. j'ai pas fini du Non, coup, bah puisque non, j'ai bah pas enchaîné merci avec, Majo. j'ai enchaîné et c'est, je voulais rebondir par rapport à la DualSense. J'ai enchaîné sur Returnal, que j'ai D'accord. commencé. Je crache du sang, faut le dire. À ce point-là? Et ouais, il est hardcore quand même. Il est hardcore parce que, en fait, il me fait penser à Doom, mais en plus dur. Il est hardcore parce que t'as pas vraiment le droit à l'erreur et puis tout va très vite, quoi. Et il y a un espèce de flow à prendre, pareil, faut pas bourrer, quoi. Ça sert à rien de bourrer. T'y arriveras pas, faut vraiment être, comment dire, incisif et direct. Après, j'y ai pas trop joué non plus. J'ai fait une heure et demie. Donc, je suis vraiment au tout début, mais c'est quand même plaisant, quoi. Ouais, même si t'as cet aspect recommencer à chaque fois, c'est plutôt bien amené. Il y a toujours une petite phrase, un petit dialogue, un petit truc au relancement de ton jeu de la part de Selene qui te fait, on va dire, découvrir un peu plus du background. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La DualSense, c'est un peu mieux exploité au niveau des gâchettes, justement, je trouve, puisque ça sert au tir secondaire des armes. En fait, plus ou moins, tu enfonces ton arme, la gâchette, pardon, et ça va activer telle ou telle fonctionnalité. Donc là, je trouvais ça un peu plus intéressant, on va dire, que sur Forbidden West. Et puis voilà, donc il faut que je continue. Voilà. Ok, très Est-ce que bien. le mode Et de ben, coopération est déjà sorti? oui, T'as... il est sorti. Je l'ai pas essayé encore, mais ça fait un moment qu'Herbie me tanne pour que je le fasse avec lui. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué avec mon temps disponible en ce moment et puis surtout nos emplois du temps qui ne concordent plus. Donc du coup, ouais, mais j'aimerais bien l'essayer moi aussi. Et Ok, puis bon. oui, il est sorti. Il y a le mode ascension de la tour là. Un peu comme dans Godfall là qu'ils ont sorti aussi pareil qui est sorti en même temps que le mode coop. Voilà. À faire cela. Très Ouais bien. ouais non franchement il est très joli, assez rythmé, non, T'y arriveras c'est pas, un bon Sei, jeu. Je vais pas y arriver, du faire ta coup. transition. J'attends, je sais pas. Et Et c'est tout du coup? Oui? Ah, Pourquoi? ok. Tu voulais que je dise autre chose? Non, du tout, c'était très bien, en tout cas, très bien. Bah, El Rocco, tiens, Non en mais n'hésite plat. pas si t'as besoin, En que plat, j'ai tu joué joues autre à chose. quoi, El Rocco, maintenant qu'on va passer à quelqu'un d'autre? On n'a pas parlé de No Man's Alors. Sky. Ah, ah Non, non. c'est vrai, No Man's Sky, tu joues pas en plat, non? Non, mais je déconne, on veut pas le savoir. Je me lance pas parce que je l'ai essayé quand même. Justement, je me suis rendu compte dans ton œil que t'allais prendre la question au sérieux, donc surtout pas. Ah, j'ai hésité à, en plus No Man's Sky, j'ai hésité. C'est faible. mais oui, mais comme toi, hein, l'emploi du temps, c'est chaud. Je ne tolère pas la faiblesse. Dixit, le mec qui s'est réveillé il y a maintenant un peu plus d'une heure. Mais voilà. je peux te dire que j'ai fait un sacré effort pour me lever parce que. Je serais fort. Putain, Martin, il casse les couilles, VR Power Player. Ah ouais, là. Autour d'un VR, autour de connard. Ouais, ouais. El Rocco. Oui. À quoi tu joues en plat, mon petit logo? Alors, je me suis un petit peu dispersé. Perso, j'avais relancé Death Stranding. Si tu dois en choisir un et en parler 5 minutes chrono. Ah, 5 minutes. Bon, Death Stranding, en fait, Death Stranding, ce sera vite fait parce que je l'ai relâché, mais bon, il est encore meilleur sur PS5 et tout va plus vite de toute façon sur PS5. Et puis le moteur, il est magnifique, hein, il est sublimé. Après, voilà, bah, si t'aimes pas les quêtes FedEx, c'est chaud. Ils ont amélioré la taille de l'écran, là, je sais plus comment on appelle ça, là. Enfin, c'est un format 18/9 ou je sais pas quoi, là, enfin, où il y a un format panoramique qui est plus important que sur la version PS4. Attends, allume ton focus. Alors, heureusement qu'il n'y a pas ça, putain, sur celui-là, parce que laisse tomber. T'imagines. Bah non, surtout que lui, c'est que du contemplatif, donc il y a des moments, tu regardes juste le décor, putain, t'as une vue, mais incroyable. En plus, tu peux vraiment grimper, on va dire pas partout, mais quasiment partout. Et là, franchement, et puis t'as plusieurs environnements, je suis pas encore arrivé, bon, il m'est tombé des mains, mais t'as un environnement un peu plus désertique, un peu plus enneigeux. Tu l'avais pas fini ? Je l'ai fini, mais sur PS4. Ah, ouais, d'accord. Donc voilà, je l'ai relancé, arrêté, et puis bah du coup, vu qu'il y a Forbidden West qui est arrivé il y a maintenant plusieurs, je sais plus combien, ça fait un mois qu'il est sorti. Ça fait un mois que je suis sur Horizon Zero Dawn, voilà. D'accord. Mais bon, comme il y a le DLC Frozen, je sais pas quoi là. Wild. Ah purée, mais c'est interminable. C'est très bien. Ah non, mais tout est très bien, et puis le jeu, il est franchement magnifique. Il y a que sur celui-là où je me suis servi du mode photo. Sinon, dans n'importe quel jeu, j'utilise pas le mode photo, mais celui-là, il est incroyable. Forbidden West, t'es pas prêt. Hein. Ah bah, j'ai vu les quelques clichés, mais les visages, ils sont ouf. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc, tu parles du mode photo. Moi, c'est pareil, je n'utilise jamais le mode photo dans un jeu. Là, j'ai pris je sais pas combien de screens, je me suis amusé, je me les suis foutu sur mon PC, c'est mes fonds d'écran moment. Quoi. Parce que t'arrives à faire des bons screens, toi, hein. Franchement, tes clichés, ils sont vraiment jolis en plus, hein. Okay, moi je fais des croûtes en général. À Majo ou à moi? À Majo. Ah oui, pardon. Les chats, c'est de la merde. Enfin, je mets des barres noires et un logo, quoi. Après. Ça passe bien. Bon, bah écoute, merci. Mais... Voilà. toi, l'œil de la photographie, tu sais. Tu sais prendre à l'œil sur les bons plans, tu vois. Fais l'amour à la caméra. Ah, vas-y. Tu sais lui parler. Lâche le focus. T'es amoureux du focus. C'est ça. Je lui dis, t'es tendu, voilà. Ouais, c'est ça. T'es tendu. Claudie Focor. Et donc voilà, Horizon Zero Dawn. Et puis sinon, on parle que du plat, mais bon, sinon j'ai terminé Moss, le livre 2 qui est excellent. Ok, merci à Leroku. J'adore rien. Ensuite, Lolo, en plat, tu joues à quoi? Eh ben, à l'œil. À l'œil aussi. C'est diversifié, je trouve. Comme je vous ai dit. Donc, peut-être pour ça qu'on l'a arrêté, cette rubrique, en fait. 3-4 jours avant la sortie du 2. Donc, j'avais précommandé le 2. Et puis, j'ai dit non, mais je me rappelais plus trop du 1. Du coup, j'ai dit, je vais poncer le 1. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fini le 1 avec le DLC. Et puis derrière, tout de suite, j'ai enchaîné avec le 2. C'est vrai qu'il est sacrément beau, ça c'est sûr. C'est vrai qu'elle est plus chiante qu'avant à l'œil. Après, j'ai pas terminé, donc je fais des petits bouts par petits bouts. Puis en parallèle, je me suis acheté, mais j'ai pas commencé encore. Je me suis pris toute la collection des Life is Strange. Donc en version PS5. Donc la compile les deux nouveaux remasters là, et puis le dernier True Colors, et j'ai pas commencé, ils sont encore sous cellophane, donc ce sera la suite après quand j'aurai fini avec Aloy. Donc c'est la rubrique, c'est pas et sinon en plat, qu'est-ce que t'as sous cellophane, c'est à quoi tu joues, hein. Forbidden West, c'est dire tous les jeux que j'ai achetés, Forbidden West, et puis bah ça se rejoint quoi avec ce que vous venez de dire, c'est super beau. Alors c'est vrai que sur la télé au début je trouvais que ça saccadait un plus que sur le 1 quand t'étais à 60 fps. Et puis j'ai trouvé les bons réglages et là c'est d'un fluide, c'est super. Donc je joue plus à 60, là, je joue en qualité en résolution. Et du coup bah ça tu tombes, je crois que c'est à 30 fps là que tu es en résolution. Ouais. Mais par contre j'ai plus cette, tu sais quand tu faisais un 360 rapide, j'avais l'impression que ça saccadait et j'ai changé deux trois petits trucs là et maintenant c'est super fluide, donc moi ça me va et il est vraiment magnifique quoi. C'est clair que le moindre petit détail, la flotte, tout, tu te dis putain, mais c'est un truc de dingue. La neige. Ouais, tout, les traces La neige, tu vas voir, c'est impressionnant. Ah, dans le premier, c'était déjà impressionnant. Ah non, mais là, c'est même les flocons. Enfin, la neige au sol et après les flocons. Même les flocons qui tombent, c'est. Ouais, franchement, c'est assez bluffant, c'est... ouais. Les effets que tu vois pas, non. Enfin, que tu vois que du coin de l'œil, mais tu t'attardes dessus. Très impressionnant. Ah, ouais, d'accord. L'ambiance que ça génère, franchement, enfin moi, personnellement, je n'ai pas souvenir d'avoir été autant impressionné par un jeu d'un point de vue technique que celui-là. Mais là, c'est vrai que le fait de les enchaîner, tu sens qu'il y a une différence quand même entre les deux et que cette fois, ils ont un peu trop poussé, comme on disait tout à l'heure, quoi. Moi, ce focus, là, j'en peux plus. La casualisation. Il faudrait pouvoir désactiver des fois ce genre de conneries et mettre une tarte à l'œil. Mais tu lui mets une tarte tais-toi. Voilà. Surtout que moi, du coup, j'avais fait le premier sans ATH, donc j'ai fait le deuxième pareil. Mais en fait, l'ATH, même si tu l'as pas, t'as à l'œil, quoi. Ouais, elle continue à tchatcher. Ouais. Donc, pour l'instant, je continue et je suis pareil. Hein, techniquement, je suis sur le cul. C'est super chouette, c'est top. Le scénar, j'en suis pas assez avancé pour arriver à ce fameux virage qu'il y avait dans le 1 qui était très intéressant. Voilà. Donc, je continue à avancer à mon rythme et puis voilà. En même temps, c'est des jeux qui vont me prendre peut-être 100 heures, donc je prends mon temps. C'est des jeux qui se dégustent de toute façon. Et tu vas passer d'un extrême à l'autre, puis entre Horizon et la fiction. Je suis du genre mais c'est différent parce que ça c'est mon côté cinéma. J'ai tu sais les jeux style Détroit, les point and click et compagnie, j'adore ça. Donc je pense que j'aime bien le principe de pouvoir remonter le temps, de pouvoir modifier, ça me plaît bien ça. Alors donc, attention, c'est que dans le premier. C'est que dans le premier ça. T'emballes pas dans le. Non, c'est que le premier et t'en as un le préquel, c'est Before the Storm. Tu vas contrôler un personnage du premier qui est très important. Et là, il y a zéro pouvoir, par contre. T'as rien du tout. Ça va me gaver, ça. J'aime bien les pouvoirs. Et puis, dans le 2, t'en as pas tout de suite. Et le 3, c'est un pouvoir qui est complètement... Enfin, le 3, je veux dire le True Colors, c'est complètement différent. Le remonter le temps, c'est vraiment que dans le tout premier. D'accord. Ça m'intéressait, donc je vais tester ça et puis voilà. Ah non, ils sont très très bons, de qualité. Et puis après, moi celui que j'ai dans le collimateur, c'est Harry Potter. Ah. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour Noël, je crois. Donc on a le temps. Ouais, t'as encore le temps. Ouais. Et puis toi, Sei. Fort bien. Je vous réexpliquerai le principe de. Tu joues à quoi? Hop là. Oui, mais on peut pas parler de Forbidden West pendant 3 heures. 5 minutes. 5 minutes. On pourrait faire une spéciale Forbidden West, mais c'est en 5 minutes. Parce que, en fait, j'ai terminé énormément de jeux ces derniers temps. Mais je vais juste parler d'un seul et très très court. C'est Martha is Dead. Je vous en ai parlé, les gars, en off. On a fait des articles dessus. C'est un. Martha is Dead, c'est un jeu italien. C'est LKB qui l'a fait, non LKA, j'étais presque, qui se passe en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, où t'incarnes une jeune fille qui a la vingtaine à peu près et qui a une sœur jumelle. Et au tout début de l'aventure, c'est pas un spoil, et d'ailleurs c'est le titre du jeu, la sœur elle meurt, tu la retrouves dans un lac, et en fait tu dois essayer d'enquêter, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée. dans Slack là, etc. Ton personnage c'est une photographe, alors il y a beaucoup de un petit peu de gameplay sur les clichés que tu peux prendre, sur les photos que tu peux prendre. Le jeu c'est un jeu à la première personne, photoréaliste, très joli, donc que j'ai fait sur PC, donc je l'ai mis à fond les ballons, il est vraiment magnifique. Au niveau des contrôles, c'est un jeu qui a l'air assez indé, donc du coup qui est pas ultra optimisé, qui est un peu lourd, qui est un petit peu lent, c'est un jeu qui est un peu lent, c'est un jeu qui prend son temps, et c'est un jeu qui te met dans une ambiance de guerre un peu pesante, mais un petit peu décalée. On entend ce qui se passe, les horreurs de la guerre, par le prisme d'une radio, et tu sens au fur et à mesure que tu avances que ton personnage, tout ce qu'il voit, c'est pas forcément ce qui se passe, c'est pas forcément la réalité, c'est un petit peu biaisé, c'est un petit peu c'est ce genre de jeu un petit peu qui va jouer sur la terreur psychologique et sur le malaise et sur le mal-être du personnage. Et quand je l'ai fini le jeu, je vous en ai parlé les gars, et je vous ai dit ça c'est un petit peu ma limite haute. Et j'ai pas, il y a eu un espèce de buzz sur ce jeu là sur des scènes vraiment choquantes qui ont été notamment censurées par Sony. Et je me disais putain mais c'est con quand même de censurer des scènes, c'est débile. Mais je me suis pas intéressé plus que ça, je suis pas allé chercher sur YouTube, j'ai pas lu de test et j'ai pas regardé de test sur internet. Et faites attention, je vous conseille si vous ne l'avez pas fait de ne pas regarder de test avant de le lancer, parce qu'il y a rien de mieux pour vous spoiler. Il y en a qui te spoilent justement des scènes vraiment clés mais sans aucune vergogne, hein, donc c'est vraiment... Donc je suis arrivé complètement vierge sur ce jeu là Effectivement, certaines scènes sont choquantes. Vers la fin du jeu, il y en a une. Je pense que c'est ma limite haute au niveau du malaise et ce que j'ai pas envie de faire. Comme je vous disais, c'est un petit peu comme la fin de Last of Us 2. Le jeu te fait faire des choses que t'as pas du tout envie de faire. Et bah là, à la fin de ce jeu-là, c'est exactement le même genre de ressenti que j'ai eu. Ça touche à une corde un petit peu sensible chez moi, justement, de choses un peu sacrées que t'as pas le droit de toucher, que t'as pas le droit de... J'arrive pas à me dire que ça peut être dans un jeu vidéo, ce genre de choses-là. Et c'est... Voilà, je peux pas... Et c'est pour ça, c'est pour rebondir sur ma question que j'ai posée en tout début d'émission. Est-ce que vous pensez pas, justement, que le fait que ce soit en réalité virtuelle, pour certaines scènes, ça puisse être problématique par rapport à un jeu plat? Je pense que certaines scènes de Martha is Dead, j'aurais pas pu les faire en VR. J'aurais pas pu continuer le jeu. Si on m'avait donné les contrôles pendant certaines scènes à mimer certaines choses, j'aurais pas pu le faire. Et pourtant, on défonçait des zombies, voire des tonnes de sang, des tonnes de barbaques partout, des trucs. Enfin, je veux dire, je suis un gros fan des Silent Hill. Il y a pas grand chose qui me choque, mais il y a juste des certaines choses en fait qu'on n'a pas le droit vraiment de toucher, en tout cas qui me gênent vraiment. C'est des trucs qui touchent à la morale, je suppose. Enfin, qui en reste carrément, qui touche carrément à la morale, oui. Qui touche. Un peu avec le scandale de la censure. On sait un peu de quelle scène tu veux parler, quoi. Mais... Si vous ne savez pas de quelle scène on parle, je vous invite vraiment, si vous avez envie d'essayer le jeu, à ne pas vous spoiler cette scène-là, parce que du coup, franchement, j'ai été choqué. J'y repensais pas mal de temps après avoir terminé le jeu. Mais du coup, je l'ai pris en pleine gueule. Je me suis pas du tout intéressé à la polémique avant. J'ai joué au jeu comme un jeu normal. Je suis arrivé à ce truc-là. Je me suis pris le truc en pleine tronche. Et ça m'a vraiment mis sur le cul. Et je pense pas, par exemple, je suis content de l'avoir fait en plat. Je suis pas certain d'avoir. De pouvoir continuer à faire cette scène-là si j'avais été en VR, tu vois. Si j'avais dû tenir le truc pour le faire, j'aurais pas pu. Après, n'oublie pas que la mise en scène y rajoute en général un peu aussi. En plat, t'as toujours plus de mise en scène qu'en VR, parce que c'est plus simple à. C'est même pas la mise en scène, c'est la situation et c'est ce que ça représente. Je te dis, ça touche vraiment pour moi dans un truc pour moi qui est. Qui est sacré. Je comprends. Et tu peux pas y toucher. Et j'aurais pas pu le faire en VR. Il est long ce Martha is Dead là. Je l'ai fini en 7 heures à peu près. Ouais, c'est court. Oh ouais, c'est assez court. Bah, c'est un walking simulator après, mais du coup avec des scènes un peu grotesques. Après, je suis allé voir des tests et effectivement, ça pose une ambiance et après ça te met des scènes justement qui sont tellement choquantes que ça en devient un peu ridicule quoi. Il y en a certaines au début du jeu où vraiment ouais, c'est du gore, du torture porn. Un peu gratos, tu dis ouais, bon, ça va. route. La routine. la routine, voilà. Bon, ça gêne pas trop, quoi. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à une scène à la fin. Où... Non. Franchement, je m'imagine encore. Hein. Ça m'arrive vraiment jamais. T'as plus t'en parles. Tu vois le QTE ? Tu vois le QTE ? Ah, c'est un QTE voyais... en plus ? Non, je voyais le QTE du truc et je me disais non, je veux pas faire ça. Et après, t'appuyais sur le bouton pour avancer dans le jeu et je disais au personnage non, mais arrête, tu peux pas faire ça. Tu dois pas faire ça. Et ça continuait encore et encore et ça allait encore plus loin et encore plus loin. Et je me suis dit oh putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai pas envie de le faire, quoi. J'ai vraiment pas envie de le faire. Donc, est-ce que donc, c'est voilà, aussi bien dans la vie réelle, quoi ? Je vais peut-être le faire en vrai. Ouais, bah, je te parle plus jamais de la vie, quoi. C'est le truc. Hein. Donc voilà. Bon bah après, moi, je sais que moi, ça m'a touché personnellement. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui verront ça avec un peu plus de recul et un peu plus de ouais, c'est un jeu. De recul, en disant ouais, c'est un jeu et puis voilà. Mais moi, non, là, ouais, limite haute. Franchement, donc voilà, à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Je pense que j'ai plus donné envie aux gens d'essayer que. Ouais, je crois, ouais. Du coup, il faudra que tu relises ton concept. On de est... jouer à quoi en 5 minutes. On n'a pas 18 ans, donc je pense que j'étais à 7 sujets qui nous touchent. C'est à 7 minutes. T'as débordé. Ouais, tu disais quoi, Laurent ? Je disais qu'on a pas 18-20 ans, donc c'est des sujets qui nous toucheront forcément plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir juste plus de 18 ans, ce n'est pas un critère pour accepter... Ah, tu veux dire qu'il faut un jeu moins de 40 ans ? Non, mais c'est pas ça. Non, en fait, c'est pas l'âge. Moins de 40 ans, pardon. C'est compliqué. Pas l'âge. Non, je parlais juste de l'impact. Non, mais je sais, c'était une blague, les gars. C'est pas drôle. Déjà, tu vois, ça m'a impacté. Oui, ça m'a mis une bonne grosse claque dans la gueule en plat, en VR. Est-ce que je serais capable de tout faire ? Je suis pas certain, quoi. Ce genre de truc là en tout cas. Donc voilà. Mais c'est tout pour moi, pour mon jeu plat. Du coup. Ok. Et Forbidden West, il est quand même très très bien, malgré ses bugs. Merci Sei. Je vous en prie. Mais toi, tu dois pas avoir une PS5, tu dois avoir une contrefaçon parce que t'attires les bugs. Mais c'est marrant possible, parce que en fait. Ouais, j'ai pas trop de bugs. Moi. Je les cherche. Ouais, mais parce que. Toi, tu profites d'une version qui a déjà été patchée 3 fois, Laurent. Ah, d'accord. Ah. C'est ça. Plus que ça, même. Plus que ça. Mais, non, je crois pas. Hein. Ah, si, il y a plus que 3 patchs. Il y a plus que 3 patchs. Bah, bon, il m'a semblé en voir passer que 3. Mmh. Bon, on verra plus tard, mais je les cherche pour l'instant. Mais bon. Ouais, non, mais parce que t'as une version qui a été déjà beaucoup patchée. Mais je pense qu'effectivement, je suis maudit dans les jeux parce que, comme je disais sur le Discord avant l'émission, tu mets n'importe j'ai lancé lequel. Sur, j'ai lancé presque, tu vois, j'ai lancé sur Xbox One, donc rien à voir, pas du tout la même console. Mafia 1 Remaster, pas du tout le même jeu. Je lance le jeu, il y a l'intro qui est magnifique qui passe, super. Dès que l'intro se termine, hop, out of bound, le personnage qui traverse la carte et qui tombe à l'infini. J'ai fait ça, j'ai fait ok. Non, allez, mais après il est bugué, je l'ai aussi. On va enregistrer l'émission. Il est bugué. Et surtout, j'en ai eu quelques-uns avec la bagnole. À la seconde où l'intro s'est terminé, gros bug sa mère. Donc il y a une malédiction quelque part. Sur Zero Dawn, je me suis retrouvé 6 ou 7 fois coincé dans la montagne. Ah ouais, oui, mais ça c'est normal. Ça c'est la physique. C'est un bug de collision. Ouais. Elle est particulière la physique. Moi, je me suis retrouvé plein de fois à ne pas escalader et à sauter pour avancer, pour monter la montagne. Ça va plus vite que d'escalader. Ah bah oui. Ok. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour du coup. Messieurs, merci pour Kojima, ils vont être achetés. Vous allez voir, Blue Box Game Studio, c'est bidon. Voilà, c'était mon dernier mot. Pour votre participation à l'émission, merci Laurent. Eh ben merci à vous tous. Merci à Leroco. Merci Majo, vous êtes trop beau. Mais de rien. Et on se retrouve voilà dans 2 semaines. J'ai déjà fait la promo et donc ça c'est déjà une bonne chose de faite et j'ai plus à me faire chier avec ça. On se retrouve dans 2 semaines avec la date de précommande du PSVR 2 et plus d'infos sur le PSVR 2. On des le dit à chaque promesses. Fois, mais il y a bien un jour où ça va payer. Des promesses. Un jour, on aura raison. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Mais exactement. Non, parce que... On pourra mais non, dire, parce... je vous l'avais dit. En début d'émission, on a dit qu'on avait eu la palette de PSVR 2. Ah, vous, ça, vous venez de nous vous venez de flinguer la blague. Non, mais on a la palette, mais les gens ne savent pas. Le commun des mortels ne sait pas. Tu vois. Les simples humains, tu vois, les plèbes. C'est ça. Bon, allez, en tout cas, on vous dit à dans 2 semaines, on fait des gros bisous, et puis c'est tout. Allez, ciao. Salut. Salut. Ciao. Ciao. Bon, ah moi, bah si. C'est lancé, apparemment, c'est bon. T'es bon, Majo, c'est attends. Good ouais. ouais. C'est bon, ouais. Ça va, ça passe. Ok. On est bien, là. Ah, on est bien. Et ta tête de youtubeur, c'est quand? C'est maintenant? Je sais pas. Je fais une intro. Oh là là, putain, faut que je réduise un peu le gain, là. Ça va être mieux. Ouais, c'est bon. C'est parti. Allez, c'est parti. Mais la tête de youtubeur, c'est quand, on a dit? Yo les gros, on va passer le... C'est maintenant, là? Je vais vous introduire, vous inquiétez pas. Je vous dis dans 3, 2, 1 et on y va, ok? Il a pas compris. Dans 3, 2... T'as frisé, là, ou pas? Je le fais bien, hein, t'y as cru. Pauvre con, va. Voilà. Tu veux vraiment me torturer, hein. Déjà que je suis pas à l'aise, host. Oh, attends, ça fait 12 ans que tu fais ça maintenant. Oh, même. Je suis timide. Yo les gars,